Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De la manette au débat, une émission qui vous est présentée par le site Causons Pixel, le site qui se pose eh bien, des questions sur le jeu vidéo et sur son industrie. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Vincent. Salut. Florian. Oui, salut. Et Victor. Coucou. Alors, l'émission a mis du temps à arriver et aucune vidéo n'est sortie pour le moment sur le site Causons Pixel, et eh bien tout simplement pour problème d'emploi du temps, manque de temps. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que la prochaine vidéo de Causons Pixel est écrite depuis un moment. Il ne reste plus qu'à trouver le temps pour la tourner. Mais si on a trouvé le temps là de tourner ce DLMAD, je devrais réussir à sortir une prochaine vidéo. En attendant les dernières sorties, eh bien ça reste la vidéo sur Bound et Virginia, dans laquelle on se pose la question eh bien, de d'autres moyens de narration, de faire passer des messages aux joueurs, de dialoguer avec le joueur, de raconter une histoire. Et si on pouvait raconter des histoires qu'avec le geste, avec le mouvement. Et d'ailleurs, c'est aussi un moyen de se poser la question de la maturité du jeu vidéo, là où on la pose quand il aborde des sujets graves comme la guerre, etc. Et il aborde la violence avec un certain sérieux. Et si la maturité pouvait passer par autre chose que ces thématiques guerrières. Vous avez aussi, il est toujours là, c'est l'article, enfin l'écrit sur Bloodborne qui analyse en profondeur Bloodborne. On revoit les traductions du jeu, c'est-à-dire on va voir la traduction, enfin l'original, c'est-à-dire le texte original des différentes appellations de Bloodborne, ensuite la traduction anglaise et la traduction française. Et on va voir que l'on perd en signification et voire même on tombe sur des fausses pistes pour des erreurs de traduction. Mais bien entendu, le but n'est pas de blâmer les traducteurs. On va aussi voir les significations des chansons que nous avons dans les boss, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à l'histoire, et tout un tas de choses. On analyse en fait les différents signes que nous renvoie le jeu et cette œuvre qui, à coup sûr, eh bien, a marqué l'histoire du jeu vidéo. Alors avant de commencer sur les joueurs sont-ils vaches à lait, nous avons Victor qui, avant le début de l'émission, nous a proposé de chacun donner notre signification de l'expression « une vache à lait ». Alors, voici la mienne. En signification, nous avons une personne exploitée par d'autres. Et en origine de ce terme, nous avons « dire qu'une personne est une vache à lait » revient à dire que l'on peut l'exploiter à volonté pour obtenir des avantages, surtout financiers. Il s'agit tout simplement d'une image faisant référence à la vache à qui l'on soutire le lait sans que celle-ci ne se plaigne. Messieurs, si vous voulez passer à la vôtre, si vous voulez passer à la vôtre de définition, ou alors si vous êtes d'accord directement avec celle-ci. Moi, je suis d'accord. Moi, ça rejoint aussi, oui, cette idée d'être contraint à dépenser plus que mesure. Donc oui, je rejoins ta définition. Ok, bah du coup je vais rebondir sur ça parce que ce qui est intéressant c'est que en marketing. Il révèle sa carte piège. Je révèle ma carte piège marketing. Tu es fini, Kaiba. Ou en fait en marketing, bah d'ailleurs c'est un truc marrant, c'est que c'est utilisé pour des produits. On qualifie ce terme-là, enfin pour des produits, et en fait on utilise la matrice du Boston Consulting Group. La matrice BCG, c'est un des trucs fondamentaux en marketing qu'on apprend chez tous les étudiants. Et donc, c'est sur, en fait, c'est un tableau qui croise part de marché d'un produit et la croissance du marché en question. Et donc, quand la croissance du marché, elle est pas trop élevée et que la part du marché du produit, elle est élevée, on appelle ça vache à lait. Donc pour traduire, quand il n'y a plus besoin de faire d'investissement sur un produit, que tout a déjà été fait en amont, que voilà, le produit il est finalisé, que il n'y a pas beaucoup, il suffit de faire juste un peu de maintenance ou que ce soit de la logistique, etc. et que les coûts sont déjà amortis. Et que le produit il continue à bien se vendre avec beaucoup de personnes qui l'achètent, avec des bénéfices qui continuent, ben c'est à ce moment-là où le produit c'est considéré comme un produit vache à lait. D'accord. Donc là où je trouve la chose intéressante, c'est qu'on du coup, même en marketing, il y a un peu l'idée d'investissement de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que le produit va être rentable, pas OK, mais s'il est rentable, est-ce que l'entreprise va décider de continuer à investir des ressources économiques au niveau du nombre d'employés, etc. Ou est-ce que l'entreprise va être en mode OK, c'est bon, bon, on fait déjà de l'argent dessus, est-ce qu'on essaie d'en faire plus? Voilà, est-ce qu'on laisse le truc comme ça et puis on continue, puis tranquille, on part sur autre chose. Enfin, donc voilà, ça pose un peu cette idée-là au niveau marketing et stratégie des entreprises. En fait, là, tu fais un peu allusion, dis-moi si je me trompe, mais à l'exploitation des licences. Ouais. Par exemple, tout à fait. Ouais, tout à fait, que ce soit l'exploitation des licences, puis même juste aussi la réputation, on va dire, que vont avoir les licences qui vont faire que, bon, il suffit de sortir un truc un peu comme ça, et puis de toute façon, les gens, ils vont acheter, notamment pour les jeux Nintendo, n'est-ce pas? Notamment pour les Pokémon. Mais donc, voilà, ouais. C'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Ah, d'accord, c'est intéressant, parce que oui, là, le sujet est tourné sur l'individu, sur le joueur. Mais ouais, mais non, je ne savais pas qu'on pouvait appeler vache à lait aussi le produit que l'on avait pour ensuite gagner un maximum d'argent. Bon, du coup, ça reste cohérent avec l'image de la vache, finalement. Ouais. Eh bien, peut-être que tu pourras nous dire, avec ce point de vue-là, ce qu'il en est des différentes thématiques qu'on va aborder, puisqu'on va commencer alors avec cette idée de la politique à abonnement et l'envol des ventes numériques. Pourquoi ? Pour moi, c'est considéré comme le joueur. Ici, comme une vache à lait. Donc ça, on le dit souvent lors des LMAD, c'est quand on achète un jeu sur une plateforme numérique, que cela soit sur Sony, Microsoft, sur Nintendo eShop, Epic, Steam. Pardon ? Non, je complétais. Ah, d'accord. D'accord, j'ai entendu une voix, je me suis dit, c'est ma conscience. Je te sens un peu perdu après Sony, Microsoft, donc... Oh, mais je fermerai ma gueule la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon, c'est moi, j'avais pas bien entendu, c'est pour ça. Et bref, quand on l'achète sur ces plateformes, en fait, le jeu ne nous appartient pas véritablement, on l'a souvent dit. En fait, il est disponible sur un compte, le compte est le vôtre, mais c'est aussi et surtout c'est l'entreprise, en fait, qui a le dernier mot. Elle peut vous bannir pour diverses raisons, et peu importe le nombre de jeux possédés, comme c'est arrivé, par exemple, au vidéaste Chechounet, qui s'est fait sucrer son compte PS Plus, si je me souviens bien. Alors, il avait diffusé ça sur Twitter, mais il a pu récupérer son compte. Je soupçonne que s'il a pu récupérer son compte, c'est parce que c'est un vidéaste avec beaucoup d'abonnés et que ça l'a foutrait mal s'il disait à ses abonnés que Sony fait n'importe quoi. Mais on a aussi le vidéaste, alors sur Twitter, il s'appelle Punky, qui lui avait perdu aussi son compte. Et dessus, je crois qu'il avait près de 250 jeux. Donc, il a dépensé énormément d'argent et finalement, lui sucre quand même son compte. Et en plus, on ne lui avait pas expliqué la raison. Et en plus, des fois, même sans perdre ton compte, tu peux perdre les jeux achetés. Je ne sais plus du tout où j'avais eu connaissance de cette anecdote sur Internet, si c'était via une vidéo ou un article. Mais il y avait un joueur américain, il me semble, qui avait fait pas mal d'achats sur PS3 et... il avait acheté une PS4, il voulait transférer son compte PSN et récupérer ses jeux. Et là, il s'apercevait que sur la nouvelle plateforme, il n'avait plus accès à tous ses jeux achetés, il en avait acheté beaucoup. Ça a été un enfer pour lui de contacter le service de Sony, trouver une personne qui puisse lui dire de quoi il en relevait, de son problème. Et il a finalement réussi à comprendre que du côté de Sony, ils avaient perdu ses preuves d'achat. Donc, du côté de Sony, pour eux, cette personne-là n'avait pas acheté les jeux. Et du coup, il les avait plus du tout référencés dans sa liste d'achat, donc il ne pouvait pas re-télécharger ses jeux. Heureusement que cette personne avait gardé tous ses mails d'achat, donc il a pu prouver qu'il les a achetés, il les a récupérés. Mais à partir d'une simple erreur informatique, tu peux tout perdre, rapidement. Et si tu n'as pas de quoi prouver tes achats, c'est ta parole contre la leur, et après, c'est compliqué. Bon, alors, lui a apparemment eu une fin heureuse, mais pour certaines personnes, perdre une centaine de jeux, qu'on les ait achetés au prix fort ou alors pendant les soldes, c'est foutu, quoi. Enfin, t'as dépensé de l'argent pour rien. Donc, en fait, C'est l'entreprise, c'est Sony, Microsoft, Epic, tout ce que vous voulez, qui dicte finalement votre consommation et la validation de vos achats, pourtant légaux. Et le problème avec ça aussi, c'est qu'on... Alors, le numérique s'implante... Pourquoi le numérique déjà s'implante bien ? On a plusieurs raisons. Alors, c'est moi hein, qui dis les raisons comme ça, donc peut-être ai-je tort. Alors, on a des soldes agressives sur des jeux pouvant aller jusqu'à moins 80% pour un jeu, ou plus même, on a des moins 90% pour certains jeux. On n'a plus besoin de marcher jusqu'au magasin, donc c'est cool, voilà, on reste sur notre canapé. On peut télécharger le jeu juste avant qu'il sorte pour pouvoir le débloquer le jour de sa sortie, c'est-à-dire qu'on ne perd plus 20 minutes le moment où on l'achète pour y jouer. C'est un confort qui relatif. Bref. Objection, votre honneur. De quoi ? Objection, oui. Votre honneur. Vas-y. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, genre, des fois, comme tu disais, genre, des fois, les promos, elles sont à 80%. Voilà, et tu payes ton jeu, tu vas payer ton jeu au moins de 10 euros, alors qu'il en valait 60, quoi, presque. Et puis, le reste du temps, le jeu, il est pris maximum, encore plus cher que si tu l'achetais en boîte dans n'importe quel magasin. Et ça m'a toujours fasciné, ça, cette stratégie. J'ai jamais compris. Hein. Ouais, mais justement, j'allais en venir. Merci de la transition, Victor. Ouais. Alors, comme on l'a dit, les soldes de ces boutiques, on l'a dit dans d'autres émissions, mais les soldes de ces boutiques ne valent pas parfois dans les véritables boutiques physiques. Voyez par là qu'un jeu qui vient de sortir, s'il ne plaît pas, on peut le revendre en boutique pour un jeu physique, on touchera une certaine somme d'argent et on jouira de cet argent ou de cet avoir comme bon nous semblera. L'avantage d'un jeu en physique. Ou alors si juste on veut le revendre tout. Alors certes, la boutique, parfois on a acheté le jeu 30 euros et elle nous le reprend 5 ou 10 euros, mais les boutiques de jeux vidéo, en fait, ne font de la marge. Ne gagnent de leur argent, ne payent leur loyer et leur nourriture pour manger, ce sont des êtres humains, qu'avec, généralement, l'occasion. En fait, le neuf est un produit d'appel. Donc, c'est sur ça qu'ils vont se payer. C'est pour ça que, par exemple, j'avais vu ça dans une boutique, The Last of Us était sorti il y a quelque chose comme une semaine, et d'occasion, il était au même prix que le neuf. Pourquoi ? Parce que déjà, le jeu vient de sortir, donc ils ont dû peut-être reprendre le jeu 50 euros ou quelque chose comme ça, ils l'ont revendu avec du neuf. Mais ils l'ont revendu, pardon, au prix du neuf, et bien, simplement pour manger. Et maintenant, The Last of Us, je crois qu'il est à 20 balles hein, d'occasion. Donc voilà pourquoi on a ces écarts-là. Quelques semaines plus tard, bref, le prix du jeu, dans tous les cas d'occasion, il va descendre. Et plus le temps avance dans le jeu vidéo, moins le jeu sera cher. À la différence d'un jeu en numérique qui, lui, comme tu l'as dit, Victor, va rester au même prix à 70 ou maintenant 80 euros et ne descendra que en période de solde. Ce chiffre, ce que je vais vous dire, ça date de février 2022, au moment où j'ai cherché. J'ai pris l'exemple de Mafia Definitive Edition qui est à 40 euros sur le PSN, hors solde. C'est le prix du neuf. Pendant les soldes de cette période, il était à 20 euros. En boutique, il est aujourd'hui à 10 euros. Et cette expérience-là, vous pouvez la reconduire sur n'importe quel type de jeu. Vous allez voir The Last of Us, là, vous allez l'avoir pour 70 euros. En boutique, vous allez l'avoir peut-être pour 20, 30 euros. Quelque chose comme ça. Et finalement, le côté attrayant que peut avoir le numérique, le joueur, à mon sens, se fait avoir. Certes, on a le jeu tout de suite, mais si on attend, on le paye moins cher. J'ai rien contre l'achat neuf, hein. On peut acheter ces jeux neufs si on veut l'avoir tout de suite. Mais quand on nous dit le numérique c'est moins cher parce qu'il y a des soldes, c'est faux finalement. C'est les boutiques qui restent le moins cher si on attend parfois quelques semaines, voire quelques jours. Hein. Fallout 76, en très peu de temps, il a pris des cotes monumentales à tel point qu'il est vendu en kiosque à 4 euros. Ouais. Voilà. Bon, Après, je pense que le côté est-ce que le numérique est moins cher, c'est très variable parce que ça dépend les réductions et les réductions peuvent être très très très très importantes en numérique. Et c'est ça, oui. C'est ce que je voulais dire. Mais moi, l'avantage que je trouve toujours aux jeux d'occasion en boîte par rapport à ces soldes-là, c'est que un jeu d'occasion un certain prix, il tend à baisser avec le temps. Et c'est quelque chose qui s'installe sur le long terme. Alors, le long terme, pas pour tout. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'ancienneté, les jeux vont tomber dans le champ de la collection. C'est le cas, par exemple, de tous les jeux NES, Super NES. Les générations de consoles qui commencent à rentrer largement dans le champ de la collection, c'est la génération de la PS2. PS2, GameCube, Xbox. Où là, d'occasion, tu commences à avoir des prix qui sont très très chers. Et si jamais il y a des équivalents en numérique, sur le PlayStation Store ou les autres stores, le jeu numérique est moins cher. Pour le même jeu. Au bout de nombreuses années, et mais ça voilà. Concerne aussi si le jeu était considéré comme culte à l'époque. Mais voilà, donc ça c'est vraiment sur un très long terme, un très long temps, tu tombes dans la collection, mais la génération PS3 et la génération PS4 ne tombent pas dans le champ de la collection, elles tomberont dans peut-être 20 ans ou 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux qui coûtent cher, déjà maintenant, même sur PS4, hein, avec des sites comme Limited Run, qui publie des jeux en boîte, mais en quantité limitée, ben, la rareté est déjà là. Donc, d'occasion, ça coûte très cher. Et si ce n'est pas des sites comme ça, il y a des jeux, alors souvent c'est des jeux japonais, qui s'adressent à des niches, qui sont publiés en boîte, en petite quantité également, et donc ils sont difficilement trouvables. Les collectionneurs le savent, donc ils achètent déjà ces jeux-là, en plusieurs exemplaires ou non, ça dépend comment ils collectionnent. Mais de manière générale, tu es à peu près tranquille. Moi, j'ai un autre exemple pour aborder ce sujet-là. Avec un ami, ça fait quelques années qu'on a ce petit rituel de se faire des marathons de séries, de jeux. On essaye de se donner rendez-vous le samedi après-midi. Mais on n'y arrive pas tout le temps. Hein. Il y a des fois, on peut passer un mois ou deux sans pouvoir se voir. Donc, ils sont très longs, nos marathons, dans le temps. Et là, le dernier marathon... dans lequel on s'est lancé, c'est de se faire tous les Resident Evil numérotés, les principaux. Et donc ça fait 2 ans qu'on est dans ce marathon-là, parce qu'il y a plus d'une dizaine de jeux. Et je me suis amusé à calculer ce que ça va me coûter au total, parce que là on en est au 5, donc il me reste encore 3 jeux à acheter, enfin 4 jeux à acheter. Attends, ça veut dire que tu n'as toujours pas fait le 6 ? Pas encore. Enfin, je l'ai déjà fait une fois avec un autre ami, mais il y a longtemps. Moi, je veux être là le moment où tu feras le 6, juste pour cette fois où tu t'es levé d'un lit en hurlant « Je ne peux pas physiquement faire ce QTE ». Ouais, ils sont incompréhensibles, ces QTE-là. Bref. Et donc là, actuellement, ce que ça va me coûter au total de m'acheter tous les jeux Resident Evil d'occasion en boîte, c'est 190€ actuellement, avec les prix des jeux d'occasion actuellement. Et j'ai regardé sur le PSN, parce que ben, j'ai que des consoles Sony à la maison, donc voir combien ça m'aurait coûté en numérique d'acheter tous les Resident Evil. Alors il y a différentes options, il y a pas mal de packs, pour le coup Capcom offre des packs qui sont intéressants. Si jamais tu achètes tous les Resident Evil sans pack, donc tous à l'unité, pour la raison qui t'appartient, ça te coûtera 374€ à peu près. Si jamais tu les achètes avec tous les packs, ça te coûte 294€, ce qui est pas mal. Et au moment où j'ai calculé tout ça, il y avait des promotions, pas tous sur les Resident Evil, mais il y en avait déjà pas mal. Avec les promotions actuelles, ça te coûte 207€. Si tu veux tous les faire, hein, à nouveau. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'achat de jeux en boîte d'occasion, c'est que certes, avec les promotions, peut-être qu'il y a des promotions qui vont être plus agressives dans quelques mois, dans un an, et peut-être que tu payeras le total moins cher que moi en physique. Mais mon achat en physique, là, c'est étalé sur 2 ans, et à mon avis, on y est encore pendant de longs mois. Et en fait, c'est des achats que tu peux planifier, que tu peux anticiper, que tu peux budgétiser. Moi, ce qui me dérange avec le côté promotion, c'est que ben, ça arrive quand ça arrive, et il faut que tu sois prêt à balancer plus ou moins d'argent, ça dépend ce que tu vas acheter, hein. Sur le moment. Et si tu le peux pas, bah, tu t'en remets à d'éventuelles autres promotions dans l'avenir. Rien ne te garantit qu'elles seront plus intéressantes qu'est-ce qu'elles ont été. Et je trouve que ça incite à l'achat plutôt compulsif, le numérique. Oui, parce que tu dis, je ne veux pas laisser passer cette promotion-là qui arrive maintenant, donc je vais l'acheter finalement. tu le mets de côté, et parfois c'est même le jeu que tu oublies dans ta bibliothèque. Mais aussi, il y a le fait là, c'est un truc sur lequel on peut peut-être insister lourdement hein, dessus, mais le jeu t'appartient. Tu en fais ce que tu veux. On ne va, ton compte PS, Microsoft, on s'en fiche, ton compte ferme. Tu vas pouvoir continuer de jouer à ton jeu, de l'échanger, de le prêter aussi à des gens. C'est bien, on peut prêter des jeux aussi. D'ailleurs, Sony, rappelez-vous, avait joué sa communication sur ça à l'époque de la PS4. Et voilà, donc, oui, comme tu dis, Florian, il y a ce côté achat compulsif dans le jeu. On dit aux joueurs, tiens, maintenant, go, go, go, il faut que tu achètes maintenant. Tu vas être gagnant, alors que finalement, il est moins gagnant que s'il avait acheté en boutique en attendant juste un petit peu. Et voilà, et en plus, le jeu ne vous appartient pas une fois qu'il est sur votre compte. On pense que ça peut arriver, que ça n'arrive pas à n'importe qui, enfin que les fermetures de compte, voilà, ça n'arrive pas, mais ça arrive, donc faites attention. Mais il y a aussi autre chose, peut-être pour conclure en fait ce truc sur l'envol des ventes numériques, c'est, à mon sens, encourager l'achat numérique, du moins pour les jeux en boîte, parce que oui, quand on est indé, on a peut-être pas forcément le réseau de distribution ou les moyens d'avoir des versions boîte, bah forcément là les indés, le numérique, bah c'est le seul moyen qu'ils peuvent avoir pour vendre leurs jeux, sauf erreur de ma part. Mais pour les grosses entreprises comme Microsoft, Sony, etc., la stratégie est toute simple. Encourager l'achat numérique, c'est pour les éditeurs de pouvoir finir par décider complètement du prix des jeux en étant les seuls sur le marché. Car si le physique disparaît, finalement, ils n'auront pas de concurrence pour défier leur prix et ils mettront finalement les prix qu'ils voudront. Je parle évidemment des grosses boîtes, hein. Mais quand le jeu vidéo d'occasion va mourir, rien n'empêche les éditeurs de continuer à gonfler les prix des jeux. Alors, avec l'excuse du « ça coûte de plus en plus cher », oui, bon, je pense qu'il y a des limites à l'excuse. 80€ le jeu, ça représente une certaine somme. Faut pas se le cacher. Et une fois qu'ils seront tout seuls, bah, ils mettront des soldes exactement quand ils voudront, au prix qu'ils voudront, et on ne pourra plus rien faire derrière. Après, pour l'instant, la différence qu'il y a entre la vente d'un jeu en boîte et numérique, du côté des constructeurs comme Sony, Microsoft, c'est la différence de marge qu'ils peuvent se faire. C'est des chiffres que Oscar Lemaire avait donné dans un des podcasts sur Gamekult. En boîte, ils touchent 15%, je crois. Et en numérique, c'est 30%. Ça dépend. Donc ils gagnent plus d'argent. De quoi, Vincent ? Tu parlais de la part que prennent les... Comment dire ? Ouais. Bah, pas les éditeurs, mais ceux qui proposent le jeu en vente sur leur plateforme, c'est ça ? Oui, Sony ou Microsoft. Eux, ils ont plus d'intérêt de... Oui, effectivement, ils prennent 30%, il me semble. Ouais, tu as raison. Non, c'est que c'est pas partout 30%, mais oui, Sony et Microsoft, il me semble que c'est ça. En tout cas, pour Sony Microsoft, c'est le prix que donnait Oscar Le Maire. Ouais. Ce qui est génial, c'est que s'ils augmentent le prix des jeux, forcément, les 30% seront beaucoup plus conséquents par la suite et remporteront plus d'argent. Alors, moi, je peux rebondir sur un truc aussi éventuellement. Je pense que ça concerne un peu le sujet qu'on est en train d'aborder. C'est par rapport à la possession du jeu vidéo en question. Possession physique, possession digitale. Parce que ça me fait penser à un vieux jeu il y a fort longtemps auquel je jouais quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Battlestar Galactica Online ou un truc du genre. Et donc, je pensais en fait aux jeux en ligne qui n'ont pas de version physique. Et donc, y a certains jeux en ligne à l'ancienne où il n'y a plus trop de personnes dessus, où ça finit par être plus rentable, et ils finissent par fermer les serveurs. Et donc, alors là, niveau dépossession de ton jeu, tu peux pas être plus dépouillé, parce que si ton jeu qui marche juste avec des systèmes d'achat in-game, enfin d'achat en jeu ou d'abonnement, etc. S'il est plus rentable et s'il décide de fermer, et ben là tu ne peux plus rien faire. Ouais, mais tu vois, moi c'est par exemple, c'est pour ça que ça m'a jamais attiré les MMORPG, entre autres. C'est pour cette perspective-là de te dire un jour les serveurs vont être coupés, Et tout ce que tu as investi, ça part avec. Tu pourras jamais le reparcourir, essayer de refaire des choses. Et d'ailleurs, ça pose une sacrée question au sujet de la préservation des jeux vidéo. Comment on garde ces jeux-là? Et pour l'instant, la piste qui est explorée, c'est de dire, de toute façon, l'objet en lui-même, comme il n'a pas de support physique et qu'il est dépendant de serveurs, tout ça, ça n'existe que grâce à l'activité des joueurs. En fait, ce qu'il faut sauvegarder, c'est des témoignages de l'activité des joueurs. Donc tout ce qui est vidéo, écrit sur qu'est-ce qui s'est passé dans les jeux, quels ont été les grands événements, quelles ont été les pratiques habituelles, toute cette source-là, c'est très précieux de le récupérer parce que ce sera le seul témoignage qu'on peut garder de ces jeux-là. Alors, bon, ça, c'est un autre débat. Là, et ça, c'est un autre sujet. La préservation du jeu vidéo, et tu en avais parlé dans le console unique. Le précédent. Dans le précédent. Ensuite, on a la politique à abonnement, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur les achats numériques. Non, ça vaut pour moi. Alors, je l'ai mis dans la même partie, dans le conducteur, parce que pour moi, ça coule dans la même logique. Alors, la politique à abonnement, comment on la met en place? J'aurais dû rajouter un petit son avec une petite musique un peu lounge. comment on la met en place? On commence avec une offre, celle de dire que l'infiniment ludique est là pour vous. C'est-à-dire que vous aurez droit à la profusion de jeux, même s'il vous sera impossible de tous les lancer dans votre vie. Ensuite, on fait une offre agressive au niveau du prix, et là je prends en exemple le Game Pass de Xbox. Voici les prix du Game Pass. Nous avons 9,99€ par mois seul, qui est l'abonnement basique. Puis l'abonnement PC basique, 1€ le premier mois, puis 9,99€ par mois. Il donne en plus, par rapport au précédent, l'accès au EA Play, donc à encore plus de jeux, plus d'une centaine. Et le dernier, celui qui est le plus mis en avant par Microsoft, qui est l'abonnement Ultimate à 1€ le premier mois, et puis 12,99€ par mois. Ça, les abonnements, vous le savez, c'est comme sur Netflix. Vous prenez le premier mois et ensuite, c'est reconduit de manière tacite le mois suivant. Il n'y a pas besoin de cliquer sur un bouton, ne vous pose pas la question, c'est marqué dans les conditions d'utilisation. Donc, payez ensuite 12,99€. Et pareil, il donne accès à plus d'une centaine de jeux, enfin à tous les jeux du Game Pass, il y en a vraiment énormément, plus la possibilité d'utiliser le cloud, plus des remises pour des achats, etc. etc., etc. Alors, il y a un truc qui me pose un petit peu problème, moi, c'est tu paies d'avoir un abonnement, et cet abonnement te donne des remises pour acheter des jeux. Je sais pas, messieurs, il n'y a que moi que ça tille. C'est un peu la méthode des cartes de fidélité, hein, de certains trucs où tu payes une carte de fidélité pour avoir des promos ensuite. T'es un peu obligé d'acheter pour rentabiliser, sinon tu perds de l'argent. Ça me fait penser aux abonnements Uber, où c'est quelque chose comme 7€ par mois, l'abonnement au service de Uber Eats. Et cet abonnement, ce qu'il t'offre, en fait, c'est le coût de la livraison. Et donc, en fait, tu dois évidemment dépenser une certaine somme d'argent tous les mois pour passer un certain nombre de commandes pour amortir le prix de ton abonnement, en fait, pour que ce soit rentable. Parce que une livraison, ça va de 1,49€ à 2,99€. Donc, si tu ne fais qu'une seule commande dans le mois, tu as perdu de l'argent en t'abonnant. Tu aurais mieux fait à ce moment-là de juste payer la livraison comme tout le monde, en fait. Mais le truc, c'est qu'apparemment, ça marche. Hein, parce que, alors là, on peut dire, oui, mais c'est un cadeau en plus que fait l'entreprise. Une entreprise en bourse, surtout, ne fait que très rarement des cadeaux, je pense. Mmh. Mais enfin, moi, ça paraît bizarre. Enfin, à chaque fois, oui, si vous avez un abonnement, vous aurez des réductions. Je serais perdant, en fait, il faut que j'achète tous les mois. Mais du coup, c'est la stratégie, effectivement. Une fois que tu as l'abonnement, tu dis, je vais quand même acheter parce que j'ai un abonnement, donc il faut que je le rentabilise. Enfin, que je l'amortisse. Je reprends. Donc, pour le Game Pass, nous avons pour 13€ par mois, on arrondit les 12,99€ car c'est un prix psychologique. Donc, pour ces 13€, on a un accès à un infiniment ludique où on ne profitera finalement que de quelques jeux. Alors, certes, il y a le truc, comme ça, on peut tester plein de jeux en même temps. Mais que c'est vraiment le cas pour beaucoup de joueurs? Et est-ce que finalement, on termine les jeux? Est-ce que jouer à une démo n'est pas... ne serait pas un équivalent aussi, parce qu'on oublie, on l'oublie. Il y a une époque où on avait des démos pour tester les jeux et voir s'ils nous plaisaient ou pas. Bah, mais là-dessus, je vais rebondir, c'est que des démos, justement, il n'y en a plus beaucoup. Tu fais bien de mentionner que c'était à une époque. C'est quelque chose qui s'est quand même globalement perdu. Hein. Il y en a toujours, parfois, pour certains jeux, mais ce n'est pas la majorité. L'avantage aussi des jeux en numérique, dont on parlait tout à l'heure, c'est que, avec Steam, par exemple, je ne sais pas si c'est également le cas sur l'Epic Game Store ou le PSN, mais bon, Steam, c'est la plateforme principale pour le jeu en numérique, de toute façon. Tu as cette possibilité de te faire rembourser. Il y a deux conditions, avoir joué moins de 2 heures au jeu que l'on a acheté et faire cette demande dans les 2 semaines qui suivent l'achat du jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle avec le jeu physique. Et détrompe-toi, il y a plein de personnes qui, justement, bah, profitent d'avoir accès, pas gratuitement puisque tu payes l'abonnement, mais d'avoir un accès voilà, par cet abonnement à une quantité de jeux pour lesquels ils n'ont pas dépensé plus, pour du coup bah, tester des jeux qu'ils n'auraient pas achetés à l'unité, quoi, en fait, qu'ils n'auraient pas acheté s'ils avaient dû dépenser de l'argent spécifiquement pour obtenir ce jeu-là. Donc, ouais, non, ça c'est un bon argument pour les jeux abonnement, enfin, pour les services d'abonnement. Après, ce que je trouve bizarre aussi, c'est que le rapport que tu finis par avoir à ces jeux-là, si tu es dans une perspective où tu n'as pas envie de payer pendant un an ton abonnement, tu sais. Si tu prends l'abonnement juste une fois pour essayer et que tu vois qu'il y a tous les jeux, je trouve que ça te fait un peu la perspective où tu dois essayer de tester le plus de jeux possible, donc tu sais, t'es un peu dans un binge watching de jeux vidéo, quoi, où t'essaies de tester le plus de jeux possible, mais en même temps tu vas avoir que un mois pour le faire pendant, par exemple, le prix, la durée de la réduction de prix, les promos les premiers mois, quoi, par rapport à cet abonnement là donc les gens ils vont être là en mode oh là là, il faut vite que je teste tous les jeux pour voir s'il y a des trucs bien et tout, et donc consommation un peu excessive, quoi, du truc. Bah, ça, du coup, c'est valable que pour le premier mois qui est 1 euro. C'est de ça dont tu parles, Victor. Ouais, surtout dans cette perspective-là. Ouais, ouais, bah, ça, du coup, c'est. Enfin, pour moi, ça a été vrai. Je m'étais abonné au Uplay Plus. C'est le service d'abonnement d'Ubisoft. Au moment où il est sorti, il était gratuit le premier mois. Et c'était pendant les vacances d'été, donc j'avais pas mal de temps libre. Je me suis dit, bon, écoute, c'est l'occasion, je vais voir ce qu'il y a sur le catalogue. Et j'ai enchaîné vraiment plus de 5 ou 6 jeux en profitant du fait que c'était gratuit. Mais en dehors de ça, tu vois, le catalogue de Uplay Plus, il ne m'intéressait pas spécialement, donc je n'ai pas à reconduire mon abonnement. En revanche, des services comme ceux de Microsoft avec le Xbox Game Pass, c'est-à-dire que c'est quand même 13 euros le plein tarif, là, c'est 13 euros. C'est le prix, enfin c'est bas 13 euros pour acheter un jeu vidéo, et en plus pour ces 13 euros tu peux profiter des derniers jeux qui viennent de sortir. Finalement, en fait, tu les finis même pas, ces jeux. Bah, ça c'est ton problème de joueur, enfin je veux dire, tu peux les finir, il y a des gens qui finissent leurs jeux. Et mais parce que si tu calcules, admettons tu mets 2 mois pour ton jeu en y allant bien comme il faut, en plus si tu joues aux versions en ligne, donc ça va faire plus de temps, finalement t'es perdant. Parce que ton jeu, tu l'achètes d'occasion à 20 ou 30 euros, tu peux prendre 6 mois pour le terminer, t'as payé ta somme. Là, ça veut dire que ton jeu, pour rentabiliser ton abonnement, pour avoir ton infiniment ludique, il faut que tu le termines en 2 semaines et qu'ensuite, t'en enchaînes un autre. Ouais, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, je pense que, effectivement, si t'es un amateur de JRPG, vaut mieux que t'achètes tes jeux à l'unité, quoi. la plupart des jeux qui sortent, enfin, pas la plupart, non, c'est pas vrai, mais. Enfin, si genre t'aimes les open world, si t'aimes les Assassin's Creed, si t'aimes les GTA, si t'aimes les JRPG, bon, les jeux longs comme ça, bon, bah, c'est sûr, peut-être évite, ça ne va pas te servir à grand-chose de prendre un abonnement. Mais enfin, les FPS, la plupart du temps, la durée, c'est toujours une dizaine d'heures. Les jeux d'action-aventure, c'est pareil. Tout un tas de jeux, les jeux de plateforme également. Pour la majorité des genres de jeux, en un mois, t'as largement le temps de faire un jeu, en fait. Après, il faut relancer. Et... Moi, je reste vraiment dans cette optique-là du s'il y a de l'abonnement, c'est pas réellement pour faire un cadeau aux joueurs. C'est qu'on a dû calculer quand même derrière de se dire merde, si on met 13 euros, il faut que le joueur, finalement, ça soit. Enfin, il faut que ça soit nous réellement les gagnants à la fin. Bah, bien sûr, mais c'est le cas pour chaque produit que quelqu'un met sur le marché. Mais en tant que joueur. Si tu as payé ton abonnement de 13 euros pour faire le dernier Battlefield, bon, mauvais exemple d'une part, je sais pas s'il est sur le Game Pass, d'autre part il est pas très bon, mais vous comprenez l'idée, le dernier jeu qui vient de sortir qui coûte 60 euros dans le commerce et que tu l'as eu pour 13 euros et que ça t'a fait, ça t'a pris seulement une semaine pour le faire, bon bah le joueur il est gagnant, il n'y a pas à débattre là-dessus en fait. Ouais, je sais pas, moi il y a un truc qui cloche parce que même comme ça, je préfère l'acheter neuf parce que je peux y jouer pendant longtemps, ouais, au même prix, ouais, et je peux le désinstaller et puis quelques temps plus tard le réinstaller et profiter en même temps de d'autres. Pardon. De d'autres jeux. Voilà, merci. Ouais. Et bref. Donc je reprends. On ne profitera finalement que de quelques jeux. Une fois que le consommateur, le joueur, achète avec en plus la carotte de 1 euro par mois, on a un prix plus élevé. Le but de cette stratégie est aussi, je pense, comme les boutiques en ligne, de se passer d'intermédiaires et ensuite de gonfler les prix. Donc de passer de 13 euros par mois à une somme plus importante, je pense, comme l'a fait Netflix, et comme le fait toujours Netflix. C'est une chose qu'a déjà faite en plus Microsoft, avec l'abonnement concernant le PC, parce qu'il est passé de 3,99€ à 9,99€ par mois. Pour l'exemple de Netflix, je suis allé sur UFC Que Choisir, et UFC Que Choisir a fait un tableau des hausses de prix successifs en 2014, 2017, 2019 et 2021 pour Netflix. Si je ne prends que la formule 4 écrans, cela donne 11,99€, une augmentation à 13,99€, puis une augmentation à 15,99€, et enfin une augmentation à 17,99€. En sachant que quand les prix augmentent, on vous dit à peine dans le mail que ça augmente, et votre abonnement continue. Il faut que ce soit vous qui fassiez la démarche d'arrêter. On n'arrête pas votre abonnement de manière automatique. Les formules à abonnement, en fait, sont vouées à systématiquement augmenter. Et pour revenir sur le Game Pass, si on fait le calcul, 13 x 12, cela fait 156 euros dépensés, alors que la majorité des gens ne jouent qu'à 2 ou 3 jeux et n'en terminent pas la moitié. Alors, je suis pas sûr. Non, ça c'est vrai, tu as raison. On a estimé que à peu près. Si un joueur arrivait à 50% d'un jeu, c'était déjà le bout du monde, quoi. C'était le cas pour. On avait relevé ces chiffres grâce au trophée des jeux Sony, il me semble, où on avait vu que c'était The Last of Us 2 qui avait le trophée que tu obtiens une fois que tu as terminé le jeu. Il y avait genre 53% des joueurs qui l'avaient obtenu, mais c'était limite un record. Ouais, c'est vrai que ça c'est rare. En revanche, bon, que des joueurs jouent à 1, 2 ou 3 jeux maximum dans l'année, ça je suis moins sûr. Effectivement, il y en a. Souvent, c'est donc les jeux en question, c'est FIFA et Call of Duty. Mais du coup, ces gens-là ne s'abonnent pas à des services comme le Microsoft, le Xbox Game Pass. Enfin, j'en doute fortement. Moi, par l'envie de la consommation boulimique qu'il peut y avoir, au contraire, parce que je trouve que ça fonctionne aussi dans la distinction sociale. Je me suis abonné au Game Pass parce que tout le monde l'a. Alors, soit pour aussi appartenir le groupe, soit aussi pour dire « Ouais, mais moi, tu vois, je peux jouer à plein de trucs alors que la personne va jouer qu'à Call of, par exemple. » Et de temps en temps, il y a un petit jeu qui va arriver, elle va y jouer 10 minutes et ensuite elle va l'oublier aussi vite qu'il s'est installé. Tu as peut-être raison pour le coup. Ce que je veux dire par là, c'est que ça m'évoque Netflix, donc forcément. Mon entourage proche et éloigné s'est vraiment beaucoup plus mis aux séries télé à partir du moment où Netflix est arrivé en France. Avant, j'étais l'un des seuls à regarder beaucoup de séries dans mon entourage. Aujourd'hui, je suis loin d'être le seul. Bon. J'en regarde toujours plus que les autres, mais j'ai de la concurrence. et ça, c'est parce que les gens se sont abonnés à Netflix, par notamment cette volonté de faire comme tout le monde, comme tu l'évoquais, hein, parce que les gens sont abonnés à Netflix, je vais m'abonner à Netflix. Mais ça a fait que les gens se sont mis à regarder des séries parce qu'ils étaient abonnés à Netflix. Donc du coup, peut-être qu'il y aurait plus de joueurs qui joueraient à plus de jeux par ces systèmes d'abonnement également. Et puis... Moi, ce qui me fait pas rêver avec, c'est parce que on en est au début, hein, à proposer le jeu par abonnement. Ben déjà, je te rejoins, Florentin, dans cette crainte que le tarif de l'abonnement augmente. Et la deuxième crainte aussi, c'est que l'abonnement lui-même, les règles de l'abonnement lui-même, peuvent être aussi modifiées par l'entreprise selon son bon vouloir, changer la formule, changer les possibilités. Par exemple, Netflix commence à réfléchir à l'idée de ne plus permettre aux utilisateurs de partager leur mot de passe. Et je crois qu'ils vont le tester dans certains pays, mais une des choses, et d'ailleurs c'était un argument marketing de Netflix qui était de dire vous pouvez partager un petit peu vos mots de passe et en faire bénéficier plusieurs personnes, Là maintenant, pour rester dans une logique de progression et de croissance, ils vont commencer à changer ça. Et ils peuvent le faire parce qu'ils sont dominants, pour l'instant, sur les plateformes VOD. Le prix et le service que t'offre l'abonnement, tout ça est incertain, tout ça est potentiellement reconstructible en fait par le fournisseur d'accès. Et toi, en tant que consommateur, tu n'as aucune forme de contrôle là-dessus. Et ça vraiment, ça m'enchante pas du tout. Il faut le répéter aussi, les reconductions d'abonnement sont tacites. Quand ils vont augmenter les prix, normalement, si tu es minimum honnête, tu arrêtes l'abonnement, tu dis « voulez-vous reconduire l'abonnement ?» Sauf que ce n'est pas le cas. Après, on a signé les contrats d'utilisation, etc. C'est un autre débat, ce genre de truc. Mais le prix augmente et paf, sans t'en rendre compte, si tu n'as pas vu passer la nouvelle, tu passes dans le cadre de Netflix de 16 euros par mois soudainement à 18 euros par mois, enfin de 15,99 soudainement à 17,99. Ça commence à faire un trou dans les budgets. Et Florian, toi, tu connais ce merveilleux calcul, et j'avais envie de le présenter aux auditeurs. Le calcul paquet de pâtes. Alors, qu'est-ce que c'est le calcul paquet de pâtes ? C'est une stratégie étudiante pour voir si ton achat est pertinent ou pas. Il te permet de savoir, en fait, selon ce que tu as acheté, combien de paquets de pâtes tu aurais pu t'acheter. Donc, je prends le paquet de pâtes le moins cher. Qui est de 500 grammes, qui te permet, si tu manges 100 grammes de pâtes, ça te permet quand même de faire 5 repas. Et le paquet de pâtes le moins cher que j'ai trouvé, donc, c'était chez Leader Price, et il est à 79 centimes. Après, il y a très sûrement moins cher ailleurs. Je vous invite à mettre vos prix de paquet de pâtes dans vos régions. Mettez vos prix de paquet de pâtes dans les commentaires. Tout le monde va venir ici pour savoir où acheter son paquet de pâtes. Alors, combien de paquets de pâtes pouvons-nous acheter ? D'après vous, avec 156 euros d'abonnement pour le Game Pass. C'est-à-dire, si on fait 13 x 12, donc 13 euros le prix de l'abonnement du Game Pass, fois les 12 mois de l'année, on a 156 euros. C'est une question que je vous pose. Là, de tête comme ça, combien de paquets de pâtes on peut acheter ? Je ne sais plus, mais à mon avis, t'as à manger pour une année, je pense, voire plus. Ouais, il dit mieux. Mais moi, j'ai besoin d'un chiffre. 150. 150 pour Vincent, ok. Ah, moi, je suis allergique aux chiffres. D'accord, donc je marque allergie aux chiffres, Victor, pas de problème. C'est contre ma religion. Vas-y, fais le juste prix, dis plus ou moins 150. Je sais pas, allez, plus. Allez, plus de 150, ok. Et toi, Flo ? Ouais... Je rejoins Vincent, je pense. Nous avons effectivement plus de 150 paquets de pâtes, plus qu'avec 156 euros, on peut en acheter 197. Ah, je le savais. Donc, avec 156 euros, nous pouvons acheter 197 paquets de pâtes, ce qui vous nourrit plutôt pas mal, je pense. Et je n'ai pas... Tu fais une overdose, hein. mais quand tu es à la dèche, tu fais ce que tu peux pour manger. Et évidemment, je n'ai pas pris en compte s'il y a un crédit en cours et s'il y a d'autres choses qui s'ajoutent dans les dépenses d'un foyer. Je ne parle pas non plus en même temps des autres types d'abonnements à d'autres plateformes comme Disney+, Amazon Prime, Rakuten TV, le PSN, qui peuvent être cumulés dans un même foyer, avec même YouTube Premium, oui. Ce qui fait des sommes mirobolantes, même dans les foyers les plus modestes, parce que on se rend pas compte tout de suite de l'argent que ça fait dans l'année. Mais maintenant, vous savez qu'avec un abonnement Game Pass pour un an, vous achetez 197 paquets de pâtes. Ouais, mais Florentin, moi, je pense que les étudiants qui crèvent la dalle et qui mangent des pâtes tous les jours, ils sont pas abonnés en même temps à Netflix ou Xbox Game Pass et je sais pas quoi. Ou alors, s'ils le sont, ils sont bêtes, quoi. Je veux dire, je sais pas, mais... voilà. Il y a assez de plateformes illégales. Alors, les plateformes illégales, effectivement, c'est autre chose, et c'est un très bon accès à la culture quand on n'a pas les moyens, mais même, alors, on peut dire, ils sont idiots si on le souhaite, Moi, je partage pas trop cet avis-là dans la mesure où ça peut être compliqué pour certains, pas que étudiants, hein, je parle là de manière plus générale. Oh, quand t'es abonné à Netflix alors que t'as pas de quoi t'acheter à manger, si, je suis désolé, là tu fais comme tout le monde, tu télécharges illégalement en fait. Enfin, mais bon, bref. Et souvent, ces choses-là sont cumulées en plus, ce qui fait beaucoup, beaucoup d'argent dépensé. Et là, oui, effectivement, le piratage est un moyen d'accès à la culture qui se vaut, quoi. Donc, voilà. Mais même dans des foyers avec un peu plus d'argent, ça, 197€ finalement, mes jeux d'occasion, je peux en acheter quand même un sacré paquet si je le souhaite. Et bref, la politique abonnement fonctionne bien à mon sens parce qu'on laisse penser aux joueurs ou aux consommateurs de manière générale qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'argent, ce qui est archi faux. Et ensuite, j'ai un petit argument écologique, je vais y passer 2 minutes, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Maintenant, je peux le faire en vitesse accélérée, mais genre 30 secondes. Ah, vas-y. Ah non, je peux pas parler trop vite, sinon Craig, des fois, il comprend pas tout. Ouais, vas-y. Ça va aller très vite. Petit truc concernant ces services. Alors, qui passent par le cloud, donc des serveurs. Ces serveurs sont des data centers, sont souvent hébergés dans ce qu'on appelle des data centers. Vous voyez par là que ce sont des sortes d'usines de serveurs, des salles entières remplies de serveurs qu'il faut donc alimenter pour leur fonctionnement, maintenir à bonne température, etc. etc. Un data center consomme l'équivalent d'une ville de 25 000 habitants. Donc en plus, de cela, on nous ressort l'argument écologique pour tout ce qui est service de cloud, streaming, d'abonnement. Mais c'est du bidon, c'est pas du tout écologique. N'en déplaise à Nicolas Pouard, vice-président du Stratégique Innovation Lab d'Ubisoft, qui nous a dit que c'était une technologie d'avenir. Ah, j'aime bien parler comme le Sty. On va voir si vous abonnez comme ça. Que c'était une technologie d'avenir, oh mon Dieu! Et en fait, pas du tout ni d'avenir, ni écologie. Voilà, j'ai terminé avec ça. Eh ben, c'était pas trop tôt. On peut passer à la suite, je pense, parce que Florian, toi, tu veux nous parler des jeux-services. Ouais, alors, juste pour conclure le précédent sujet, moi, ça me pose une question aussi, ce modèle de l'abonnement, et comme tu disais en introduction du sujet, l'aspect de l'opulence, de l'abondance. Est-ce que ça va nous rendre plus heureux d'être dans cette situation-là? Et j'ai trouvé un psychologue américain qui parlait du paradoxe du choix. Et il expliquait que dans la société industrielle telle que la nôtre, alors c'est son livre et les conférences qu'il a données à ce sujet-là, il me semble que c'était au début des années 2000, il s'est rendu compte que finalement, on est vraiment dans une situation où on a énormément de choix à disposition. Et c'est pas forcément... une bonne chose pour nous rendre heureux. Alors, j'ai pas eu le temps, parce que j'ai découvert ça assez tardivement avant l'émission, donc j'ai pu regarder qu'une conférence. Et dans la conférence, il résume un peu sa pensée. Et pour lui, il y a deux effets négatifs. Le premier, c'est que quand tu es face à un trop grand nombre de choix possibles, bah, tu es paralysé. Tu n'arrives pas à choisir. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter au quotidien. Par exemple, lorsqu'on va dans un restaurant et que la carte propose trop de plats, souvent, on a du mal à choisir. Ouais, ça veut dire qu'il y a beaucoup de surgelés. C'est un mauvais restaurant en plus, hein, généralement, dans ces cas-là. Après, il dit, si jamais vous arrivez à faire un choix, c'est pas forcément ce choix-là qui va vous rendre heureux. Alors, il liste plusieurs mécanismes. Un des mécanismes, c'est si jamais tu achètes un objet et que finalement, il ne te satisfait pas entièrement et que tu commences à te dire, ah ouais, mais en fait, j'aurais pu peut-être choisir l'autre objet, alors lui il parlait des vinaigrettes par exemple, j'aurais pu en fait acheter l'autre vinaigrette. Le simple fait de commencer à raisonner comme ça fait que tu as du regret, tu n'es pas satisfait de ton choix actuel. Après il y a un autre mécanisme qui rentre en compte, c'est le coût des opportunités. La valeur que nous donnons aux choses dépend de ce à quoi nous les comparons. Et il expliquait que quand on choisit de faire une chose, on renonce à en faire d'autres. Et souvent, le simple fait de commencer à penser à ça fait que bah, la chose qu'on a décidé de faire est moins attractive puisqu'en fait, on a en tête les choses auxquelles on a dû renoncer. Par exemple, il montrait une petite image d'un employé de bureau qui, pendant qu'il travaille, se dit « en fait, je pourrais être là en train de jouer au golf ». Et quand il est au golf, il se dit en fait je pourrais être là en train de faire l'amour à ma femme, et quand il fait l'amour à sa femme, il se dit en fait je pourrais être au boulot en train de travailler. Et en fait c'est incessant. Et du coup tu... Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi, je crois que c'est Victor que tu en avais parlé, cette mécanique de vouloir systématiquement justifier son achat. C'est le principe d'homéostasie, quoi. C'est en mode, enfin tu sais, au niveau de l'identité, ouais, de d'être en mode j'ai fait les bons choix, je suis pas trompé, etc., etc. C'est ça. Et après, un autre mécanisme, c'est ce qu'il appelle l'escalade des attentes. C'est que quand on a un large choix possible avec plein d'options dans tous les sens, ça commence à nous faire dire qu'il y a forcément le choix parfait à faire parmi tous les possibles. Ce qui réduit le fait qu'on puisse être surpris par quelque chose et qu'on est de toute façon insatisfait du choix qu'on a fait. Puisque est-ce que l'objet parfait existe ou est-ce qu'on va arriver à trouver l'objet qui va nous combler entièrement, et parce que ça rentre en interaction avec les points d'avant. Et pour lui, il fait le lien avec un petit peu la souffrance psychique en général. Pour lui, une des causes de la recrudescence des dépressions, voire des suicides dans notre contexte industriel, il en trouve une des causes dans cette situation dans laquelle on est, où on a beaucoup trop de choix. Et au début de la conférence, il introduit le fait que, en plus, en particulier en Occident, la question du choix est très importante. C'est lié à la liberté, l'individu doit tout choisir de sa vie, etc. Le mécanisme qui peut rendre malheureux, pour lui, c'est que lorsqu'on a fait un choix et qu'on s'aperçoit qu'on en est insatisfait ou qu'on a fait le mauvais choix, en fait, on s'impute la responsabilité de ce mauvais choix-là. Et à partir de là, tu commences à attaquer ton estime de soi, et c'est là où tu peux avoir, tu peux engager un terrain, voilà, qui peut aller jusqu'à la dépression, et etc. Et donc, alors, je dis pas que c'est ce qui va se passer concrètement par rapport à cette offre de l'abonnement, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que, parce que comme tu le disais au début, Florentin, on nous vend l'abonnement pour l'infini des choix. Microsoft te dit on a quasiment 400 jeux, Sony là ils lancent leur politique d'abonnement et te dit nous on aura 400 jeux. Est-ce que ça va nous rendre heureux d'être dans cette position là? Et est-ce qu'on va accepter notre choix plus que vous l'avez dit avec Victor, on va se dire ah mais j'aurais peut-être pu prendre l'autre abonnement parce qu'il y avait aussi probablement deux meilleurs choix à faire et en voulant aller, donc finalement on va changer, oui. Et c'est sûrement pour ça que certaines personnes accumulent les abonnements. Ils prennent Amazon Prime en même temps que de prendre Netflix et Disney Plus, ou vice-versa. Et entre autres, une des choses qui va amener au deuxième point, par rapport à un jeu, maintenant on commence à te proposer plusieurs versions différentes avec plus ou moins de contenu numérique. Tu en achètes une, est-ce que tu vas pas regretter de ne pas avoir pris l'offre un peu plus chère avec plus de bonus etc. Moi je trouve que ce que tu dis ça ne fonctionne pas dans Total War, parce que quand il y a un territoire à prendre, je suis toujours très content de l'avoir pris. Voilà. Oui, je suis toujours très content d'asservir les peuples à côté. Non mais ça ne marche pas, monsieur. Je te parle pas de ce que tu fais dans le jeu, mais je te parle en amont. C'est quel jeu tu décides d'acheter, et maintenant en fait quelle version du jeu tu décides d'acheter, et parmi tout le choix possible, avec des jeux qui demandent un investissement différent. Voilà, je suis pas sûr que cette perspective de l'abondance nous rende heureux. Mais on verra, puisque c'est en train de se lancer. Mais j'en ferai pas le pari. Tu nous enverras, on mettra le lien dans la description si tu retrouves cet article ou le nom de l'ouvrage. J'ai la conférence que je mettrai en description. Alors, c'est une conférence en anglais. Il y a des sous-titres en français. Qui n'ont pas l'air d'être générés automatiquement par YouTube. Voilà, donc c'est accessible. En plus, c'est une petite conférence d'une un peu plus de 20 minutes. C'est très intéressant comme perspective. Et donc, toi, tu voulais nous parler des jeux-services avec le modèle Microsoft. C'est lié avec la politique d'abonnement. Dans l'un des derniers podcasts, Le Père et le Maire, Oscar Le Maire, apporte des chiffres. Et il expliquait que pour l'année, je crois, 2020-2021, pour certains gros acteurs, pas pour tous encore, mais notamment EA Games ou Activision Blizzard, dans l'argent généré par les jeux vidéo, l'argent généré par toute autre activité que la simple vente du jeu, donc microtransactions, DLC, tout ça, commence à représenter pour eux 60%. Et on commence à avoir 30% juste pour la vente des jeux. Et en fait, ces gros acteurs-là commencent à être en train de basculer de modèle économique où vendre des jeux en soi ne deviendra plus leur priorité, mais leur priorité, ça va être de vendre du contenu dans le jeu, qui est une des dimensions du jeu-service. C'est pas que ça, mais c'est une des dimensions. Et il rajoutait dans ce podcast-là, qui je crois était l'avant-dernier, c'était sur le jeu-service. Il avait une info d'une personne qui bossait plus ou moins dans l'industrie, et il lui racontait que quand Sony ou Microsoft communique avec les grands éditeurs pour leur donner des chiffres, des indicateurs pour qu'ils puissent, eux, un petit peu voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. L'un des critères qui est communiqué de plus en plus, et prioritairement, c'est le nombre d'argent dépensé par heure de gameplay. Et ça commence à être... ça commence à faire norme, ce genre de critères. Et ça me questionne aussi, parce que l'abonnement, une des premières questions qu'on se pose, c'est comment les éditeurs ou les développeurs s'y retrouvent ? Est-ce qu'ils y perdent pas au final par rapport à la vente directe du jeu ? Mais si on est en train d'aller complètement dans le jeu service et où en fait on ne compte que ce que génère le jeu comme argent, ça va très très bien se marier ces deux manières-là. C'est intéressant parce que ce que tu dis, moi, ça m'évoque le jeu devient moins un achat que l'on fait pour se divertir, mais devient plus une stratégie ou une tactique pour soutirer de l'argent aux joueurs, aux consommateurs, clients, tout ce qu'on veut, sur la longueur du temps. C'est-à-dire un moyen d'accéder au portefeuille de la personne. Il y a ça. Bien sûr. Et après, moi, ça m'ouvre plusieurs questions. La première, c'est à quelle sauce on va être mangé ? Parce que là, il y a plein de choses qui sont testées. Alors, pour l'instant, les éditeurs, ils ont compris que les lootbox, ils ne peuvent pas trop parier dessus. Parce que les politiques, alors pas tous les pays, mais beaucoup de politiques s'en sont saisis. Et de manière générale, on a très vite fait le lien entre cette dimension de hasard avec le jeu d'hasard et d'argent, et du coup, avec ce potentiel addictogène de cette pratique-là. Donc là, à mon avis, ils ne vont pas trop essayer de retourner à ce genre de modèle. EA Games a vu son image de marque attaquée, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme autre moyen pour vendre du contenu ? Et des fois, t'as déjà des essais. Enfin, moi, ce qui m'a rendu curieux, c'est ce qui s'est passé avec Forza Horizon 5 quand il est sorti. Donc jeu propriétaire de Microsoft qui était dans le Game Pass au début, et on a réussi à nous installer dans la tête qu'il fallait précommander les jeux. Et là maintenant, on commence à nous installer dans la tête que, alors tu peux le précommander et en plus tu y as accès avant la sortie, c'est encore mieux. Et t'avais cette offre là en numérique, si t'achetais je sais plus quel pack en numérique, tu pouvais jouer avant, la version physique ne le permettait pas. Et avec le Game Pass, comme tu payes ton abonnement, on te donnait la possibilité d'acheter un pack d'extensions à 40€ qui avait plein de contenu numérique et le fait de pouvoir avoir accès au jeu en avance. Ce qui fait que ce que tu gagnes en payant juste un abonnement du Game Pass, si jamais tu te dis je vais jouer à l'avance, ça revient au même que de payer ton jeu. Ça, c'est une manière qui commence à tester pour voir comment ils vont pouvoir faire payer les joueurs. Mais à mon avis, on n'en est qu'au début. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir imaginer ? Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, Vincent et Victor ? Moi, perso, je ne suis pas super opposé à cette idée de faire raquer les gens pour qu'ils jouent deux jours en avance, quoi, parce que je trouve que ça a très peu d'intérêt, mais que les gens ont l'air de vouloir à tout prix jouer en premier à ça. Ma foi, si les entreprises elles peuvent se faire de l'argent sur leur dos et qu'ils sont assez bêtes pour le faire, let's go. Ouais, mais après, je connecterai ce sujet-là avec l'un des derniers qu'on abordera. Ça pourrait poser problème. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Tu vois, par exemple, moi je me sens très très extérieur à ça, sachant que, par exemple, en tant que joueur de MMORPG, donc de jeux de rôle massivement multijoueur en ligne, et la plupart du temps, ces premiers jours, même si il faut payer plus cher pour y accéder, ces premiers jours, souvent, ils sont catastrophiques sur le départ parce qu'il y a trop de connectés, il y a des files d'attente monstrueuses qui font que, bon, au final, l'expérience en plus, elle n'est pas si exceptionnelle que ça sur. Ouais, peut-être. Sauf que ça, effectivement, ça s'entend pour la MMO, mais là, on te le vend pour des jeux solo. Si tu joues à l'avance, ton expérience n'est pas trop altérée. Alors peut-être que le mode multijoueur, oui, mais tu peux largement jouir du jeu. Mais même, de toute façon, de manière générale, être un early adopteur, c'est rarement quelque chose qui est vraiment à l'avantage des adopteurs en question. Parce que, déjà, il y a le patch Day One qui est dorénavant, qui est désormais un grand classique, hein. Presque tous les jeux, le jour de leur sortie, délivrent également un patch à télécharger de plusieurs gigas qui corrige énormément de bugs, et mais pas tous. Donc déjà, question, est-ce que ce patch sortirait dans l'éventualité où ça se généraliserait à d'autres jeux, sortirait pour la version, pour le jour de sortie des gens qui payent ce supplément pour jouer au jeu en avance, ou est-ce qu'il sortirait toujours le jour prévu de la livraison du produit à l'ensemble des joueurs? Et deuxième question, pas deuxième question, mais plutôt de manière générale, donc je le disais, ce premier patch Day One ne corrige pas l'ensemble des bugs, donc de toute façon, de manière générale, il est plus intelligent de ne pas se jeter sur un jeu le jour de sa sortie. Après, voilà, moi c'est quelque chose que je fais quand je suis très attaché à la licence, mais c'est pas quelque chose que je fais, et je pense que tous les joueurs ne le font pas pour l'ensemble des jeux qui les intéressent. On fait vraiment ça pour des jeux en particulier. Et en plus, si on continue dans la logique que tu es en train de décrire, Flo, est-ce qu'on ne va pas finir par presser les développeurs plus qu'ils ne le sont à l'heure actuelle, avec des dates butoirs, en sachant que s'il faut que le joueur ait son jeu 2 jours avant sa sortie, bon, déjà, ça veut dire que le jeu sort avant, plutôt que ce qui est... Enfin, bref. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire aux développeurs encore plus, bah, maintenant, bouge-toi les fesses, il faut qu'on ait une version finie avant que le jeu sorte officiellement en boutique. Si ça continue, est-ce qu'on ne va pas continuer encore et finir, alors ça sera la prochaine partie, hein, mais par avoir des jeux qui vont sortir que en early access pour avoir tout de suite de l'argent de plus en plus tôt en fait dans le développement du jeu, que le jeu lui-même soit rentable dans son propre développement. Ouais, c'est possible. Je sais pas trop, parce qu'en même temps, un jeu qui sort et qui a un état technique trop catastrophique, ça dessert le jeu. Il y a qu'à voir Cyberpunk. Donc ils pourront pas non plus être imprudents. Leur imprudence aura une limite. Surtout que si jamais le but du jeu, enfin le modèle du jeu, c'est retenir les joueurs le plus longtemps possible, ils ont tout à y gagner à ce que dès le lancement, le jeu vive. Parce que déjà maintenant, on connaît plein de jeux service qui sont... Alors il y a un pic de joueurs la première ou la deuxième semaine, et au bout d'un mois sont complètement désertés. En pensant aux jeux de Square Enix, là, les derniers jeux Marvel ou Babylon's Fall, enfin c'est... Après c'est des jeux qui n'intéressaient déjà pas grand monde à la base, je pense, mais tu as raison, ce sont des vrais exemples, mais peut-être un peu particuliers. Mais la façon dont moi je vois les choses, c'est que de toute façon, tu peux pas te permettre d'avoir 2 sorties trop espacées, genre 2 jours, tu vois, ça doit à peu près être le max, parce que déjà, il y a un gros travail qui est fait par les éditeurs et tout pour prévenir les éventuels spoilers qui pourraient fuiter pendant la production. Vous vous souvenez de Kingdom Hearts 3, dont quelques versions du jeu avaient fuité en fait, et s'étaient retrouvées dans les mains de joueurs quelque chose comme une semaine avant la commercialisation du truc. Bah, ça a été la croix et la bannière pour ne pas que des vidéos spoilant la fin de l'histoire, etc., soient diffusées sur Internet. Donc, ouais, tu peux le faire sur 2 jours, mais tu peux pas le faire sur plus que ça, quoi. Et encore, hein, ça ne tirerait pas avec tous les jeux non plus. Même si Nomura a eu la présence d'esprit de ne mettre la fin du jeu dans une mise à jour qui a publiée 1 ou 2 jours après la sortie du jeu, justement pour... Alors parce qu'il avait des contraintes de place, hein, durant la production du jeu, mais il a eu cette présence d'esprit-là, il a sauvegardé en fait le dénouement de son jeu comme ça. Et pour revenir sur ce que tu disais, les jeux-services qui rapprochent le joueur du portefeuille. Alors, je crois que c'est le Hacking Social, qui est une chaîne YouTube qui parle de sciences sociales. Horizon Gull, oui, mais c'est le Hacking Social aussi. Donc, c'est les mêmes. Oui, mais la chaîne s'appelle Horizon Gull. Ok, Horizon Gull, c'est bon, d'accord, ok, Horizon Gull. Et dedans, ils parlent. Alors, je sais plus si c'est eux. Bref, dans tous les cas, allez voir leur chaîne parce qu'elle est d'utilité publique. Elle est. Ah, mais c'est une des meilleures chaînes qui vulgarise la psychologie sociale. Et concrètement, la qualité des vidéos, c'est des cours de psycho à la fac. En termes de contenu, de détails, enfin, c'est absolument. Tout en étant accessible, je trouve. Mais bref. Il y a un truc, pourquoi les achats fonctionnent aussi bien dans les jeux-services, à mon sens, aussi bien dans les MMO, puisqu'un MMO, c'est un jeu-service, finalement, s'il y a des microtransactions dedans, etc. Je vais prendre l'exemple de la télé, pourquoi on nous diffuse des pubs à la fin d'une série ou au milieu, etc. C'est parce qu'on est dans un état psychologique qui nous rend plus réceptifs à la pub. On est en train de regarder, par exemple, Dexter. Ça passait il y a fort longtemps à la télé. Juste après Dexter ou après une série à succès, tac, on va diffuser quoi ? Coca-Cola, le bonheur, c'est cool, on vient de voir une série qui est super triste, et tout à coup, wow, de la joie avec Coca-Cola, on va être beaucoup plus réceptif au message. Et si c'est une série ou un show télé qui est très joyeux, la même chose, on sera dans un état d'esprit, en fait, qui va nous rendre beaucoup plus réceptifs au message et donc à l'achat. L'intérêt du jeu-service, c'est qu'en plus, là où la pub, on est obligé ensuite, une fois, d'aller en magasin pour acheter sa bouteille de coca, etc. Dans le jeu vidéo, ce qui est génial, c'est qu'on est dans cet état d'esprit-là et on a juste à aller dans le menu options pour directement faire l'achat. Donc en fait, on réduit le circuit d'achat, enfin la distance qu'il y a entre l'état d'esprit et le moment où on sort la carte bancaire. Et on achète beaucoup plus facilement. Le problème, évidemment, chose que vous avez souligné tout à l'heure, messieurs, c'est que le jour où le jeu décide de fermer ou tout autre, eh bien, on va perdre tout cet argent investi, que ce soit 50 euros, etc. Et c'est quelque chose qui est compliqué à faire passer. Alors, notamment, quand par exemple, je parle à des enfants qui jouent à Fortnite, qui dépensent parfois 50 euros, 70, 100 euros. Alors, forcément, les parents donnent la carte bleue, donc. Pense tout ça, mais c'est difficile de leur dire. Mais tu sais que le jour où Fortnite ferme, mais même pour un adulte, hein, ça a parfois du mal à le concevoir. Le jour où ça ferme, t'as tout perdu. T'as perdu 50 euros pour rien. Ou même, c'est même pas obligé de fermer. Hein. Imagine, genre, juste tu perds ton compte, tes identifiants, tu te fais hacker, tout ce que tu veux. Paf. Oui. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Et là, ça a du mal à passer. Mais par contre, le jeu service va attendre probablement à devenir une norme parce que ça rend service. D'un côté, à l'éditeur, ça permet de sortir un jeu, voilà, quoi, il n'y a pas tout dedans. Et on sortira ensuite, petit à petit, des nouveaux ajouts comme un cahier des charges à remplir au fur et à mesure, en sachant que pas mal de jeux service, je prends exemple... En faire des vaches à lait. Voilà, c'est ça. Et si je comprends bien ta définition, Victor, ça peut rentrer là-dedans. Ouais, tout à fait, ouais. Tout en sachant que c'est pas parce que le jeu, parce que une autre dimension des jeux-service, c'est que c'est un jeu qui constamment, enfin il y a un support technique et il y a des ajouts réguliers de contenu. Ça veut pas dire que les équipes de développement ne sont pas, font ce travail-là en étant tranquilles. Fortnite, quand même les équipes de développement de Fortnite, il y avait un article qui était sorti il y a un moment. Ils étaient systématiquement sous pression et sous crunch. C'est ça. Le crunch, sachant qui est c'est des gros horaires de travail, qui sont de très gros. Sachant que du coup, c'est une production qui n'a pas de fin arrêtée, en tout cas programmée. Donc. Mais non, je vais revenir sur quelques trucs. Très bien, on va pouvoir passer à la pause musicale alors. Alors, moi, vous savez peut-être que j'adore Apex. Apex, c'est un free-to-play développé par Respawn, qui est édité par Electronic Arts, donc c'est ce FPS Battle Royale que l'on peut télécharger gratuitement, jouer gratuitement. Moi, je n'ai jamais déboursé un centime dans Apex alors que j'ai plus de 1000 heures dessus. J'ai fini par désinstaller Apex, d'ailleurs je l'ai désinstallé à plusieurs reprises, notamment en période d'examen, parce que je jouais trop à Apex, je voulais pas que ça me... Enfin, penser à Apex pendant que je devais penser à mon travail. Et là, je l'ai désinstallé, encore une fois, parce que, en fait, je passais trop de temps sur le jeu. Et je trouvais ça un peu dommage. J'adorais les moments que je passais sur le jeu, mais je m'en voulais de passer autant de temps sur une seule et même activité, sur un seul et même jeu. Donc bon, j'ai décidé de décrocher d'Apex. Mais en vérité, moi, Apex, un jeu sur lequel j'aurais totalement pu dépenser de l'argent parce que, quand bien même dépenser de l'argent dans Apex, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste acheter des cosmétiques, donc quelque chose qui ne change pas le gameplay du jeu, qui est complètement superfétatoire. Et mais j'aurais pu le faire parce que ça se justifie dans le fait que je ne joue à rien d'autre en fait, et que je comprends les gens à qui ça fait plaisir de dépenser de l'argent, même pour des cosmétiques, dans des jeux dans lesquels ils passent le plus clair de leur temps. Et quand bien même je sais pertinemment, on n'est pas à l'abri que Apex dans 10 ans il existe encore. Et si j'avais dépensé de l'argent dans des skins, ça aurait pu disparaître un jour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui dépensent de l'argent dans Fortnite, dans Apex, dans les jeux services comme ça, ça se justifie aussi par le fait que si le jeu service est bien fait, si la rétention des joueurs, son système de rétention des joueurs est particulièrement efficace, bah, le joueur il joue à pratiquement rien d'autre. Donc à partir de là, ce n'est pas idiot, ça ne semble pas idiot en tout cas, de dépenser de l'argent dans un free-to-play. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc voilà, vous parliez des... Oui, bah, juste peut-être je vais faire un mot sur le Battle Pass, qui est le système vraiment hyper malin des jeux services comme Apex. Le Battle Pass, un truc qui vous permet en fait d'obtenir des items exclusifs à l'intérieur du jeu, ou en tout cas d'en obtenir de plus rares assez facilement, plus facilement que juste en tant que joueur normal qui ne débourse pas un centime, d'espérer obtenir quelque chose de rare à l'intérieur d'une lootbox. Voilà, un battle pass, ça permet d'obtenir de meilleurs items, en fait, hein, pour le dire simplement. Et tu peux obtenir le Battle Pass de deux façons, avec la Soft Currency et avec la Hard Currency. La Soft Currency, c'est la monnaie in-game que l'on peut obtenir simplement en jouant au jeu. La Hard Currency, c'est la monnaie sonnante et trébuchante que vous avez dans votre portefeuille et que vous transférez à l'intérieur du jeu en argent virtuel. Et là où ils sont, là où c'est un peu vicieux, c'est, vous vous souvenez peut-être aussi de... Moi, la première expérience que j'ai eue avec la Hard Currency, c'était les Microsoft Points, donc ces points Microsoft qui nous permettaient à l'époque de la 360 de acheter des DLC, par exemple tout le contenu sur le store de Microsoft, avec des points en fait. Hein, voilà. Pour 10 euros, vous aviez par exemple 800 Microsoft Points. Et en fait, c'est pensé de sorte à ce que vous voulez un item qui vaut 2000 V-Bucks par exemple dans Fortnite. Je n'ai jamais joué à Fortnite, je ne sais pas quelles sont les sommes, je sais juste que l'unité c'est le V-Bucks. Vous allez acheter pour 2300 V-Bucks, parce que 10 euros, voilà, vous ne pouvez acheter que par palier, et le palier des 10 euros c'est 2300 V-Bucks. Donc une fois que vous avez acheté votre item qui vaut 2000 V-Bucks, il vous reste 300 V-Bucks. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Et bah, vous vous dites, ah ouais, mais d'accord, mais en fait, là, je vois qu'il y a un objet qui est pas trop mal à 400 V-Bucks, il suffit que je rajoute un petit peu d'argent. Et voilà, ça aussi, ça fait partie un peu de la logique dans laquelle on rentre quand on dépense de l'argent dans un free-to-play. Et donc, le Battle Pass, je disais, il peut être acheté à la fois avec de la Soft Currency et de la Hard Currency. La Hard Currency, c'est le chemin le plus facile pour y accéder. La Soft Currency, ça vous nécessite déjà de jouer un certain nombre d'heures pour avoir la monnaie in-game qui permet d'y accéder. Et en fait, le Battle Pass, il est à renouveler chaque mois. Si on joue suffisamment longtemps au jeu pendant le mois, du coup, de fait, on gagne également un certain nombre d'argent in-game qui nous permet de renouveler notre abonnement au Battle Pass. Donc ça c'est vraiment le truc qui fait que j'ai eu la possibilité à un moment donné de souscrire au Battle Pass. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ok, si je mets le doigt dedans, ça va me motiver encore plus à jouer à Apex, et c'était ce que je voulais éviter en fait. Mais voilà comment ça fonctionne un petit peu. Et ensuite, vous parliez donc des développeurs qui sont qui quelque part sont frustrés, qui voire même ça déprime en fait de travailler sur un jeu qui est en perpétuel développement, qui n'a jamais de fin en fait. Certainement, enfin genre c'est tout à fait logique qu'il y ait des développeurs qui le ressentent comme ça. Il y en a d'autres, cela dit, pour lesquels ça peut être aussi une expérience intéressante, voire unique, parce que, enfin unique, on avait déjà ça sur les MMORPG en fait, mais justement, avant c'était que sur les MMORPG, je dirais, là comme ça, c'est que ça permet d'entretenir également une relation long terme avec les joueurs et par exemple de jouer sur des références. Quand aujourd'hui il y a un nouveau personnage qui sort dans Apex, le personnage il est pensé selon la méta du jeu actuel, selon les pratiques que les joueurs aiment, n'aiment pas, etc. Et on pense au nouveau personnage, à la façon dont il va s'intégrer dans la méta actuelle, comment est-ce qu'il pourrait la bouleverser, etc. Donc même pour les développeurs, finalement, travailler sur un jeu qui est en perpétuel développement, c'est aussi, d'un point de vue design, quelque chose d'intéressant, puisque ça permet en fait de surprendre le joueur et de continuer à travailler avec lui. Enfin, je pense que Victor, tu as peut-être des... Toi qui es plus habitué à ce genre de jeux en perpétuel développement, tu dois voir ce que je veux dire. Ouais, après, là où le problème se situe, c'est que du coup, le crunch peut lui aussi être perpétuel, comme on disait, quoi. Ouais, donc, c'est pas tant au niveau psychologique, tu vois, tu sais, de sentiment d'accomplissement, etc. Je pense que tu peux, enfin, il y a toujours des leviers qui peuvent être faits à ce niveau-là, parce que termines quand même toujours un truc. Mm-hmm. Et au niveau crunch. Mais alors, justement, le crunch, comment dire ? Je crains que ce soit vrai. C'est-à-dire que effectivement, les développeurs de Fortnite, d'Apex, ce genre de truc, bah, ils soient dans un crunch perpétuel. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. J'ai peur que ce soit le cas. Ce que je me dis, c'est que peut-être que justement, ça pourrait, logiquement en fait, c'est des process qui du coup se rôdent. Par exemple, Apex, tu sais qu'il y a une nouvelle saison qui sort tous les 3 mois. Bon, mais je me dis, à un moment donné, s'ils sont pas bêtes, ils vont réussir à avoir un process de 3 mois qui permet de... Enfin, ils savent de quoi ils sont capables en 3 mois, vu qu'ils répètent ce cycle à chaque fois, en fait. Et continuellement. Peut-être qu'ils n'ont rien à cirer, hein, de pressurer le... De presser les... Peut-être, mais vu qu'on ne sait pas s'ils crunch ou pas, ou si c'est comme ça dans toutes les preuves, moi, ce que je veux dire, c'est que logiquement... Ça devrait être possible de réussir à cadrer ce truc-là. Tu sais combien, de quoi tu es capable en 3 mois, vu que tu répètes ce cycle indéfiniment. Bon, bah voilà. Logiquement, ça devrait éviter le crunch. Voilà. Après, je ne sais pas s'il l'évite ou pas. Je drop ça comme ça. Et donc, pour revenir au joueur qui se. Enfin, et s'il est une vache à lait ou non, ou alors la licence, est une vache à lait ou non, bah, d'ailleurs, ce que tu dis, ça. Florian, quel est le point que tu voulais rajouter ? Oui. Alors, c'est. Parce que vous l'aurez compris, l'hypothèse que je fais, c'est que le modèle à abonnement va très très bien se marier avec le jeu service, ce qui permettra de rentabiliser les développements des jeux et tout ça. Et la question que ça me pose, c'est quelle influence ça va avoir sur la création des jeux. Parce que tout à coup, si jamais tu décides de créer un jeu service, c'est-à-dire un jeu qui n'a pour but que de retenir les joueurs le plus longtemps possible, est-ce que ça va pas apporter de nouvelles contraintes et du coup orienter le type d'univers, le type d'histoire qu'on va raconter, sans doute le type de gameplay aussi. Moi, ça me questionne beaucoup parce que pour l'instant, les propositions de jeux service qui existent sont des types de jeux qui ne m'intéressent pas du tout. Et je me dis que si c'est ça, une bonne partie de l'avenir du jeu vidéo, ça va fortement m'emmerder. Parce que c'est vraiment pas des jeux auxquels j'ai envie de jouer. Et est-ce que finalement, ça va être intéressant en termes d'expérience, tout en sachant que, vous l'aurez compris en écoutant Dalamadé depuis un moment, on est très attaché au côté culturel, un peu artistique du jeu vidéo. Moi, j'aime vivre des expériences dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui va en être de cette dimension-là dans un jeu service. Ubisoft te dit vendre des expériences vidéoludiques avec et Brick Ghost Recon Breakpoint. Après tu vis des expériences, ne serait-ce que jouer avec d'autres joueurs, enfin voilà, tu vis des choses, mais tu vois ce que j'ai vécu avec Nier Automata par exemple, est-ce que je vais pouvoir le vivre dans un jeu service, je sais pas. Et moi ce que j'ai envie de vivre dans le jeu vidéo, c'est ce que j'ai vécu avec Nier Automata. Et donc ça, voilà, c'est une appréhension que j'ai, c'est, quelle influence ça va avoir sur le jeu, parce que comment je me représente la chose, c'est que ça me donne cette image de jeu comme un flux, cette idée du jeu-service, c'est un flux qui peut être coupé à tout moment par l'éditeur ou le développeur, peu importe l'argent que tu auras dépensé, le temps que tu auras mis, tout va dépendre de la popularité du jeu, et voilà, une fois qu'on a coupé le flux, on va vous en proposer un autre, peut-être même que on va nous proposer des jeux AAA, mais en fait, les développeurs vont développer, je sais pas, le premier chapitre. Et si le jeu marche pas, ben on n'aura jamais la fin de l'histoire. Enfin, FF7 Remake. je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'imagine ce genre de possibilité-là. Tant que là. Et je sais pas si c'est souhaitable. J'ai que des questions. Hein. Tant que la vache produit du lait, comme le sous-entendait Victor avec sa définition, eh bien, elle continuera et le jour où elle ne produira pas de lait, eh bien, elle ira à l'abattoir. Mais oui, sauf que c'est très très, c'est très très volatile. Effectivement. Donc, ouais. Et vraiment, un jeu peut perdre ses joueurs très rapidement et tu n'as pas le temps d'anticiper, tu n'as pas le temps de... Donc, ouais. Effectivement, et en plus on peut voir le lien avec ce que tu as dit sur le trop de choix. Vas-y Vincent. Oui, j'allais dire, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en attendant, c'est aussi des expériences vraiment qui méritent d'être vécues. Alors voilà, on n'est pas obligé d'en avoir envie, mais tu vois, par exemple, une partie d'Apex, ça peut sembler un peu idiot de, par exemple, de passer plus de 1000 heures comme moi sur ce jeu. Mais en vrai, là aussi, on touche à quelque chose de proprement vidéoludique. C'est la narration systémique. Dans Apex, moi j'ai des tonnes de souvenirs, de parties incroyables, aucune partie n'est vraiment la même, et en fait, quand je parle de narration systémique, je veux dire par là qu'il y a des mécaniques de jeu qui sont présentes dans le jeu, et ensuite c'est selon les différentes configurations avec qui tu joues, quel personnage tu as, dans quelle situation tu te retrouves, etc., qui crée en fait l'histoire de ta partie d'Apex pendant le quart d'heure de ta partie, et c'est, tu n'as pas ça dans Nier Automata par exemple, où c'est une narration plus linéaire, dirigiste, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, les seules expériences qui seront proposées du jeu vidéo, c'est ce type d'expérience-là, en lien au multijoueur, tout ça, et des expériences qui vont être un petit peu plus autres. Je veux pas mettre de jugement de valeur là-dedans. J'ai peur qu'on les perde, en fait. Ouais. Et c'est dommage. Alors ça, messieurs, le débat peut être intéressant entre la narration systémique des jeux service et la narration, entre guillemets, plus classique des jeux normaux, mais on s'éloigne, je pense, un petit peu du sujet, et pour nous ramener dans le sujet, vu qu'il commence à faire chaud, il est temps d'avoir une musique à ambiance, un petit peu, de bouger un petit peu, et la pause musicale, ça sera Eric Negrit avec Kala, et on se retrouve juste après ça. Incroyable. Depuis moi, les bébés, aïe aïe aïe, en fait, t'es gros Kala, moi, vini, grandi, moi, grandi, et gros Kala. Et on se retrouve après cette pause musicale par Eric Negrit avec Kalla. Et donc nous allons continuer, et là, sur le conducteur, nous allons parler des jeux non finis et des versions alpha financées par les joueurs, point d'interrogation. Cette partie m'est venue parce qu'on a eu quelques exemples de jeux qui sont sortis dans un état un peu particulier, dirons-nous. Nous avons Cyberpunk 2077. Qui est sorti dans un état calamiteux, énormément de bugs. Assassin's Creed Valhalla, même chose, peut-être moins catastrophique que Cyberpunk. Babylon's Fall, qui a apparemment été aussi très buggé. Battlefield 2042, très récemment, qui continue aussi d'être buggé, qui continue sa route sur la route des bugs. Et on oublie, j'ai l'impression qu'on oublie souvent de le citer, mais aussi Fallout 76, qui... Je ne sais pas pourquoi on pardonne rapidement à Bethesda tous les bugs, alors que les autres jeux, non, mais... Je crois que c'est parce que tout le monde s'en fout de Fallout 76, en fait. D'accord. Alors, peut-être, mais il aurait fallu quand même dire... Enfin, quand t'aimes Fallout, ça fait un peu mal au cœur, hein, Fallout 76. Mais pour une entreprise comme Bethesda, le scandale Fallout 76 aurait dû être à la hauteur du scandale que fera ensuite, quelques temps plus tard, Cyberpunk 2077. Ouais, non, vraiment, pour le coup, je pense que c'est une question d'attente plantaire, parce qu'on en a parlé de Fallout 76, hein, je me souviens très bien, mais juste Cyberpunk 2077, c'était vraiment un statut particulier, c'était le jeu le plus attendu de la génération, c'était par les gars qui ont fait The Witcher, qui a été une sorte d'indépassable pendant très longtemps, donc c'est normal que ça ait été une onde de choc beaucoup plus retentissante que celle de Fallout 76. Je reste dans ça, par exemple, et faites pour appuyer ce que je dis, je comprends ce que tu dis, hein, Vincent, et pour appuyer ce que je dis, c'est Todd Howard, par exemple, lorsqu'on lui parle des jeux buggés de Bethesda, il en fait des blagues, genre, ah, ah, ah, c'est pas grave, c'est quand même un peu grave, je veux dire, tes jeux, ils sortent défoncés, hein. C'est pas normal qu'ils sortent dans un état pareil, imaginez un film, ou même, j'en sais rien, un bouquin, le truc qui sort avec plein de fautes d'orthographe et des pages cornées, tu fais, c'est pas normal. Et l'éditeur qui vous répond ensuite, ou le producteur pour le cinéma qui vous dit « Ah, c'est pas grave, on va sortir un autre film après, tu l'auras à moitié prix, c'est pas grave. » Ça paraît très bizarre, et surtout que ce sont des éditeurs pour les jeux que nous avons cités qui ont largement les moyens de les peaufiner, mais qui sortent des jeux dans un état lamentable, afin de satisfaire les actionnaires et tout en réduisant les coûts, c'est-à-dire en licenciant ou en faisant du crunch Et on a plusieurs articles qui sont sortis sur les crunchs entre horaires supplémentaires pas payés, parfois pas réellement payés, et des étapes psychologiques dramatiques pour certains. Il y en a qui font des dépressions, des burn-out. Hein, le burn-out, il faut le souligner, que c'est, on se lève et soudainement, on n'a plus la force d'aller au travail. On se sent, ça enclenche des dépressions, le burn-out. Vous imaginez, vous vous levez du jour au lendemain, parfois, Flo, tu pourras peut-être beaucoup mieux l'expliquer que moi, mais plus on se sent plus la force de franchir sa porte. Je ne sais pas si je l'ai bien décrit la chose, Florian, que tu es psychologue. Si. Tu as une perte d'élan vital, de désir, et plus ta dépression est grave, et plus le moindre effort te coûte, même pour des gestes anodins. Et ce qui fait que tu t'enlises dans une forme d'immobilisme, et donc ça renforce en fait tes autres symptômes. Et EA est un spécialiste du licenciement, puisque ça fait partie des studios comme Activision qui développent des jeux AAA, donc des jeux à gros budget, des blockbusters, mais qui ferment petit à petit des studios. À tel point que je pense qu'un jour, EA et Activision développeront un blockbuster avec 3 personnes dedans, avec les mêmes délais de développement, où ça sera le concierge qui s'occupera de la sous-traitance du jeu. Donc voilà, ce sera des IA qui créeront, et voilà, ce sera fini. Ils trouveront le moyen de licencier l'IA, t'inquiète pas, c'est pas trop cher. Donc, et moi, la question que je pose, c'est à quel moment on a pu faire accepter cela aux joueurs ? À quel moment on s'est dit, je vais acheter ce qui ne fonctionne pas, un jeu qui ne fonctionne pas ? C'est intolérable de sortir, à mon sens, des jeux dans cet état. Peut-on imaginer donc une autre industrie, de manière générale, qui sorte un objet dans un état avec comme excuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne version, elle arrivera plus tard. Pas grave. Vous imaginez un film avec des effets spéciaux pas finis, où la production vous répond la même chose. On a le vidéaste. Pardon, vas-y. Non, mais vas-y, termine, c'était pour répondre à ce que tu dis. C'était pour faire une allusion à Lusty, qui est un commentateur d'actualité, qui fustige régulièrement ce genre de pratiques qui, en plus, sont aussi le reflet du fait qu'on presse les développeurs, il faut le dire aussi. On a des jeux de plus en plus énormes et avec des temps de développement qui restent, Vincent, dis-moi si je me trompe, mais du moins j'ai l'impression qu'ils restent les mêmes, voire qu'ils sont de plus en plus courts. Leur temps semble de plus en plus. Voilà. Les temps de développement de plus en plus courts ? Enfin, c'est une impression que j'ai, ou du moins les temps de développement restent les mêmes, mais avec des gens qui sont de plus en plus conséquents. Ah bon ? C'est peut-être plus ça. Les temps de développement sont de plus en plus longs, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment longs par rapport à l'ambition des projets qui augmente également. D'accord. Oui, regarde, les jeux avant la première génération, jusqu'à la PS2 exclu, t'avais pratiquement un nouvel épisode tous les ans. Regarde les Final Fantasy, si tu remontes jusque-là, jusqu'au 6, un truc comme ça, c'était un Final Fantasy par an. Arrive l'ère de la PS2, et là on a commencé à avoir des jeux d'une même série qui sortaient tous les 2 ans. Sur la génération PS3 360, c'était tous les 2-3 ans, hein. Par exemple, on a eu la trilogie Mass Effect de 2007 à 2012, donc on a eu une trilogie entière de AAA sur une seule et même génération de consoles, pareil pour Uncharted, pareil pour Gears of War. Regardez la génération PS4 Xbox One, si on avait 2 épisodes d'une même série sur cette génération, c'était le bout du monde, quoi. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles God of War Ragnarok va être le dernier, va former une duologie avec celui qui est sorti en 2018, parce qu'ils avaient envie, les développeurs, Cory Barlog, de proposer une histoire qui ne s'étire pas sur 15 ans, en fait. Ils avaient envie de raconter une histoire là, sur plusieurs épisodes, mais de pas faire que leur studio n'allait produire que du God of War. Et étant donné les temps de développement que prennent les AAA aujourd'hui, c'était 2 épisodes et pas plus. Sinon, ça faisait trop long. En fait. Ce que tu dis, quand tu poses la question, mais à quel moment on a laissé faire l'industrie sortir des jeux pas terminés et arriver à les vendre, il me semble qu'une des choses qui le permet, c'est entre autres la précommande, qui fait que... la conséquence de la précommande, c'est que ça invalide le rôle qu'est censé jouer la presse du jeu vidéo, qui sont... Elle a deux grands rôles à la base, c'est de, de, de transmettre l'information, tout ce qui est l'actualité du jeu vidéo, et après, au travers des tests, de faire une sorte de contrôle technique pour voir si le jeu tient le coup techniquement ou non, d'avoir un jugement global sur le jeu et de permettre d'orienter ton futur achat. Quand tu précommandes ton jeu, tu te passes de l'avis de la presse, puisque la presse, elle, comment les choses sont organisées, ils ont accès au jeu en avance, et leur objectif, c'est de sortir le test le jour de la sortie, plus ou moins. Donc, tu te fais complètement séduire par les promesses qu'on te vend d'un jeu, et bien sûr que quand tu précommandes ton jeu, tu ne sais pas dans quel état tu achètes le jeu. Et ce qu'il y a d'exceptionnel avec Cyberpunk, c'est que les joueurs, de manière... Enfin, il y a un certain nombre de joueurs qui sont allés voir Sony, Microsoft et qui ont demandé à être remboursés. Et la pression les a obligés, les constructeurs, à modifier un petit peu leurs règles d'utilisation de leurs services pour autoriser le remboursement qui, à la base, n'était pas prévu. Donc, je pense que c'est comme ça, largement, qu'on se fait avoir. Et pour terminer, la presse, de toute façon, est en train de perdre son intérêt petit à petit. Entre autres pour les précommandes, et deuxièmement, pour en revenir au sujet précédent qu'on a parlé, par rapport aux jeux service. Il y a un truc qui se passe, et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde, mais une des pratiques que je qualifie malhonnête, pour ma part, de la part des éditeurs, c'est qu'ils envoient donc les jeux aux journalistes, en amont de la sortie, pour qu'ils puissent avoir le temps de tester le jeu, et en fait, ils leur font jouer une version du jeu. Et comme ils savent actuellement que le côté jeu-service, microtransaction, c'est encore quelque chose qui peut desservir la note et le jugement sur un jeu, ils vont leur proposer une version du jeu où c'est peu présent. Tu fais allusion au dernier épisode de Gran Turismo, non ? Voilà. Là, c'est le dernier exemple en date, mais il y en avait eu déjà quelques-uns avant. La partie service était peu présente, les quelques voitures qu'il y avait en vente, elles coûtaient pas trop cher. Et deux semaines après la sortie du jeu, Sony a renforcer la dimension jeu-service, a augmenté les prix des voitures et ils ont modifié aussi le nombre d'argent que tu peux faire dans le jeu en gagnant des courses ou autre. Et tout à coup, c'est plus du tout le même jeu. Mais là, face à ça, la presse, elle a quasiment aucun pouvoir. Et il y a certains sites qui ont essayé de le pointer du doigt. Gamekult l'a fait un peu, mais assez timidement. Mais avec ce côté très malléable du jeu, pour le peu d'influence qu'a encore la presse, c'est complètement manipulé par les éditeurs. Donc on n'est pas sorti de l'auberge de ce côté-là, en allant vers ce modèle-là du jeu vidéo. Donc pour toi, la presse a une part de responsabilité, alors elle pourrait revenir sur ces tests, comme pour par exemple... Non, en fait, justement, ils sont bloqués, parce que si deux semaines après, Gamekult te dit « Oui, on baisse la note de 2 points parce que voilà, en fait, le jeu qu'on a joué, c'est pas le même. » Ouais, mais ça change quoi ? Parce que pendant deux semaines, les quelques gens qui auraient attendu le test pour acheter le jeu, ils l'ont acheté. Tu vois ? Donc, ce changement qui est en train de se faire, pour moi, est en train d'abattre la presse. En tout cas, dans l'utilité qu'elle peut avoir d'information à destination des joueurs. Et ce qui fait que limite les influenceurs auront plus de poids qu'eux. Et donc ça n'aide pas à se prémunir des jeux mal faits, des jeux pas terminés. Alors ça fait allusion à une chose que tu avais déjà évoquée, que l'industrie finira complètement par se passer de la presse et que peut-être, tu avais dit ça il me semble en proposition, que la presse devrait dans ce cas se saisir de cette occasion-là pour être plus critique et peut-être ne pas jouer sur l'instantané. Alors malheureusement, on a toute l'économie de la presse. Critique d'art, hein, on a l'idée d'être critique, avoir un peu comme ça peut se passer dans le cinéma, par exemple, avoir une approche un peu plus réflexif. C'est pour moi la seule porte de sortie. Voilà, mais après, il y a toute l'économie de la presse, alors vidéoludique et de la presse en général, qui serait aussi à constater, mais le problème, c'est que ça marche, en fait, les jeux. Et après, on trouve l'exemple de la Early Access. Est-ce que, par hasard, pour continuer là-dedans, dans la sortie des jeux pas finis, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, pourquoi pas dans le futur, EA Games qui nous sort son prochain Battlefield, sous-titré Early Access, et ensuite ils sortiront les mises à jour quand ils voudront, et ça passera d'autant mieux qu'il y aura marqué Early Access, et dans ce cas on se dira, ah, c'est une Early RSS, pas grave si c'est buggé. En sachant que c'est un éditeur, l'un des éditeurs les plus... Mais j'ai l'impression que la période des Early Access est révolue. Hein. On en parlait beaucoup il y a peut-être une dizaine d'années. Mais maintenant, ça doit être des cas très très isolés qui le proposent tel quel. Non, mais non, en fait, ce qu'on te dit, c'est on te vend justement un jeu service. Et en fait, on te promet à l'avance, bon, mais voilà, dans 2 mois, vous aurez ça, dans 2 mois, vous aurez ça, vous aurez ça. Et en fait, on te complète ton jeu petit à petit. Mais on est censé te vendre un jeu fini, en quelque sorte, qui va être supporté par le support, par sa dimension service. Et des fois, quand tu vois ce qu'ils ajoutent, c'est juste des fonctionnalités de base. Et surtout que l'Early Access, bon, ça reste sur un... Enfin, c'est rattaché à un certain secteur du marché, quoi. Qui est la plupart du temps quand même les jeux vidéo indépendants. Donc les AAA, je sais même pas si ça s'est déjà beaucoup fait d'ailleurs. C'est la question que je me pose. Ce que je disais, imaginons pourquoi pas que ça arrive. Les éditeurs peuvent à un moment ou un autre se dire bon bah on a vu que sur les indés ça passait, voilà, ça passait crème, donc nous pourquoi pas on le ferait pas. Et avec on utiliserait. Alors, on fait participer la communauté au développement. Je crois que ça s'est déjà vu sur quelques jeux, etc. Notamment, c'était... sur Beyond Good and Evil. Ouais, d'ailleurs, ouais. Le jeu, on ne sait même plus où il en est. Non. On nous avait montré des vidéos et on avait dit, oui, on fait participer la communauté. Ouais, mais c'est pas pareil, là. Parce que là, ils voulaient faire participer la communauté à la création du jeu. Le Early Access, c'est les développeurs proposent une version du jeu. Ils te donnent accès à ce jeu-là. Tu le testes. Généralement c'est délimité dans le temps, tu fais des retours aux développeurs et après ils peaufinent. C'est très facile de faire chavirer le truc en disant ça c'est effectivement la définition de l'early access, mais en tant qu'éditeur de jouer sur les mots comme le marketing a l'habitude de le faire pour dire nous faisons participer les joueurs à la création du jeu et nous écoutons les retours des joueurs. Je pense qu'il y a juste à voir les nombreux communiqués Ubisoft sur n'importe quel sujet, de Square Enix, de EA Games, Activision. L'un des derniers exemples, et qui je pense va être vertueux pour le coup d'Early Access, avait été le studio Larian pour Baldur's Gate 3, qui en ont proposé une, ou je crois ils en proposent régulièrement. Non, enfin, moi je reste dans ma position où en fait on va te vendre un jeu service qui n'est pas terminé. Et tu vas devoir te contenter du peu qui aura été développé avec... l'injonction d'être dans le jeu, de le faire vivre, de dépenser de l'argent pour que les développeurs terminent le jeu et après apportent du nouveau contenu. Moi je vois plutôt ça comme évolution. Ouais, mais moi je suis pas fondamentalement contre dans l'idée. Après avoir comment c'est fait, j'ai un exemple qui me hérisse les poils et je pense je ne suis pas le seul, je vais y venir après. Mais en fait, le jeu vidéo a toujours fonctionné comme ça. Dans le jeu vidéo, dans le développement, on produit avec ce que l'on appelle des méthodes agiles. Ça s'oppose aux méthodes classiques qui sont les méthodes en cascade où on attend que quelqu'un ait fini un truc pour ensuite envoyer la tâche à quelqu'un d'autre, etc. Dans le jeu vidéo, on est plus agile, tout le monde travaille un petit peu en même temps sur différentes tâches quand c'est possible et puis on regroupe ensuite, bon bref. Et les méthodes agiles également ont ce besoin, cet intérêt en fait de faire tester le produit aux clients, aux consommateurs régulièrement afin d'affiner la proposition. La méthode agile implique le consommateur dans le développement du produit. Mais c'est comme ça pour tous les jeux vidéo, même ceux qui ne proposent pas d'early access, ils font au moins ce que l'on appelle des playtests pendant le développement. Donc ils invitent des joueurs lambda à venir au studio. Ils ne sont pas forcément payés. Parfois ils sont payés en goodies, parfois ouais, ils ont peut-être un bon d'achat de quelques euros dans un magasin de jeux, mais... C'est pas quelque chose de vraiment salarié comme truc, quoi, de très rémunéré. Mais en tout cas, on invite voilà, des joueurs pour obtenir leur retour et affiner le jeu. Dans le jeu indépendant, l'early access est quelque chose qui se fait encore beaucoup aujourd'hui. Il y a eu Hades dernièrement qui a été en early access pendant quelque chose comme 2 ans, il me semble. En tout cas, il a été en early access, c'était pas pendant 2 ans, c'était pas un long moment. Et puis bon, voilà, le résultat, finalement, il était excellent, a priori. Donc, ils ont probablement eu raison de faire ça. Dead Cells a été en early access aussi. Et en plus, ça a cet intérêt, l'early access, non seulement... Donc, d'être une sorte de playtest sur le long terme, donc qui permet voilà, d'améliorer la qualité du jeu, mais en plus, a fortiori, l'intérêt quand on est un indépendant, c'est de faire parler, de faire vivre le jeu avant sa sortie, donc de développer sa communauté, d'agrandir sa communauté. C'est un outil de communication, l'Early Access également. En plus, vous savez très bien que les joueurs sont plus... on voit d'un meilleur œil un studio indépendant qui fait un Early Access et donc qui propose à l'achat pour quelques euros un produit qui n'est pas fini que si c'est un gros studio qui propose un triple A. C'est sûr que là, ça passe déjà un peu moins bien. C'est ce que je dis, je ne suis pas fondamentalement contre les Early Access, surtout si c'est un studio indé. Là, je parlais vraiment de, imaginons, EA Games qui nous sort son Early Access pour son prochain Battlefield, afin de, grâce à la communication, de passer à travers le scandale, la polémique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de Battlefield 2042, qui est sorti hyper buggé et qui l'est toujours apparemment. Mais justement, tu vois, enfin, pour moi, ils en auraient fait un Early Access, il y aurait pas eu tant de problèmes que ça, parce que moi je suis le genre de personne qui n'achète pas les early access. Moi j'attends que le jeu il soit prêt pour l'acheter. Ça ne m'intéresse pas de faire des early access. Bon, et bah dans ce cas, moi 2042, tu sors une early access, il y a que les gros fans de Battlefield qui vont faire cet early access en connaissance de cause, donc en sachant qu'ils vont jouer à un jeu potentiellement cassé, non fini, etc. Tu sais à quoi t'attendre quand tu prends un early access. Bon, Une entreprise comme EA Games, avec ses milliards, ne peut pas sortir tout simplement le jeu fini en laissant le temps nécessaire à ce développement-là de se faire. Éventuellement, mais ça, à la limite, ça les regarde. À partir du moment où tu explicites qu'il s'agit d'un produit non fini auprès des consommateurs, il y aurait eu beaucoup moins de gens qui auraient acheté l'Early Access de Battlefield 42 si elle était estampillée comme telle, plutôt que comme un produit fini. Tu vois, il n'y aurait eu que vraiment les fans hardcore de la licence qui auraient... Ça leur aurait fait plaisir de participer à l'amélioration du jeu. Moi, s'ils avaient fait un Early Access de Kingdom Hearts 3, j'aurais pas dit non, tu vois. c'est comme ça. Non, vraiment, là, le problème avec 2042, c'est qu'ils l'ont sorti en Early Access, alors que c'était vendu comme étant un produit fini, en fait. Et Konami, avec leur nouveau jeu de foot, alors qui s'appelle plus PES, mais je sais plus comment... En jeu service, ça a été la critique de, en général, c'est que le jeu, on a vendu aux joueurs une early access déguisée. Mais il a été vendu comme un jeu terminé. Après, j'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est que vous... c'est un questionnement que j'ai, c'est que vous posez comme problème le fait que le dernier Battlefield là, ou je sais plus quoi, il était pas terminé. Mais est-ce que c'est vraiment perçu comme un problème de la part du directeur marketing, du PDG du truc et tout quoi? C'est-à-dire que est-ce que les décideurs, les gens à la tête de l'entreprise, eux aussi perçoivent ça comme étant une erreur? Peut-être pas. Peut-être que pour eux, ça leur pose pas tant de problèmes que ça, et que bon, c'est juste la mauvaise communication qu'il peut y avoir autour, et juste un dommage collatéral. Bah, ça dépend du retour de bâton. Pour ce qui est de Cyberpunk 2077, par exemple, je pense que tout le monde s'en mord les doigts, tu vois. Là, c'est évident. Parce que ça, mais vraiment, ça peut te ruiner un truc. Pense, l'exemple de Cyberpunk 2077, c'est un cas d'école. Le studio derrière, CD Projekt, ils avaient une image en or dans l'industrie de jeux vidéo. C'est eux qui détiennent la plateforme GOG, qui vendent des jeux du coup sans DRM. Ils avaient la trilogie The Witcher, qui est une licence immensément acclamée et populaire. Ils avaient l'une des meilleures politiques de DLC. Ils ont tout flingué, leur image de marque parfaite, ils l'ont flingué avec la sortie d'un jeu, quoi. Enfin... Ouais, ils ont flingué leur image, mais la rentabilité, est-ce que, parce que, bon, il y en a, l'image, ils sont en mode, c'est pas ce qu'il faut, c'est être rentable. Ouais, mais par exemple, sur leur prochain jeu, ça va leur porter préjudice. Voilà. Tu vois, Victor, là, ils ont annoncé un nouveau Witcher. Et pour moi, ça, c'est un aveu d'échec et c'est les conséquences de Cyberpunk, parce que pour faire monter la hype par rapport à Cyberpunk, ils avaient dit, écoutez, nous Witcher, on met ça de côté, on y reviendra plus tard, mais là, on veut se concentrer sur Cyberpunk, développer un nouvel univers, voire peut-être développer encore d'autres choses, parce qu'ils étaient gargarisés du succès de Witcher 3. Et là, à peine sorti Cyberpunk 1, ils avaient annoncé plein de DLC et tout ça, je crois que c'est même pas encore sorti, et déjà annoncé un nouveau Witcher, c'est vraiment le mouvement rassurant de se dire, allez, on retourne aux bases, on refait un Witcher, tout le monde va être content, tout le monde va l'acheter, et on va essayer de faire oublier la parenthèse Ils ont perdu du fric avec ce truc. Enfin, certainement, en fait, bon, je suppose, parce qu'en fait, je sais pas, finalement, est-ce qu'ils ont été rentables sur les ventes de Cyberpunk ? Mais en tout cas, le fait qu'au lieu de poursuivre avec cette licence, ils retournent sur The Witcher, je pense que ça va leur coûter du pognon, parce que dans le jeu vidéo, on fonctionne vraiment sur un système de licence. Quand on crée une nouvelle licence, c'est dans l'optique de faire plusieurs épisodes. Jamais vous n'allez voir une nouvelle licence sortir, une nouvelle licence AAA. Les indépendants, c'est encore autre chose. Le AA également, mais en tout cas, les AAA, quand vous voyez un nouveau AAA qui sort, ils ont déjà prévu d'en faire un ou deux derrière. Ça n'existe pas un AAA qui est pensé pour ne pas avoir de suite. Ça coûte trop cher. Il faut rentabiliser toute la R&D. Il faut rentabiliser les technos qui ont été implémentés dans le jeu. Enfin, ça coûte un argent monstre. Vous savez, enfin, peut-être que vous le savez, mais la flotte, le système de navigation de bateaux, etc., de Assassin's Creed 3, pour rentabiliser ce système qui était inédit dans la série Assassin's Creed à ce moment-là, ils ont dû faire Assassin's Creed 4, dont c'était l'une des principales features, l'une des principales fonctionnalités. On a retrouvé ça également dans un autre Assassin's Creed, il me semble, je ne sais plus. Et puis, dans Rogue. Et puis, ils ont essayé de développer un AAA entier qui reposait sur cette technique-là, qui s'appelle Skull and Bones, et qui, comme BGE2, est actuellement dans un état très compliqué. Mais vous voyez que vraiment, il y a besoin de vraiment tirer sur le fil pour rentabiliser un truc qu'on fait nouvellement dans un jeu vidéo, en fait. Je pense qu'en fait, au début, pour essayer de résumer, et de avec l'exemple qu'on avait sur Battlefield, au début, EA a dû dire « Ah, c'est bon, c'est pas grave, ils vont continuer à acheter. » Sauf que le problème, c'est que là, apparemment, les joueurs de Battlefield 2042 fuient le jeu. Il y a le précédent Battlefield et même le Battlefield encore avant ont plus de joueurs que 2042. Donc ça veut dire potentiellement des joueurs qui n'achèteront pas les DLC ou autres microtransactions. Donc là, le service communication et à la présidence, à mon avis, là, ça doit quand même pas mal les embêter. Plus, ça veut dire que pour le prochain Battlefield, ça va être des joueurs qui ne vont pas être en confiance. Et donc, comme ils ne sont pas en confiance, ils ne vont pas. Il y aura sûrement moins de précommandes et sûrement moins d'achats le jour de sa sortie. Et il va falloir réinstaurer une nouvelle confiance. Ça va être pas une machine à relancer, mais une machine à huiler un peu plus à nouveau, pour répondre à ta question, Victor. Donc voilà, moi, c'était... alors, c'était principalement... Bah, ça a fonctionné, je suis diabolique. Pour vous lancer sur le sujet, parce que je suis un peu dubitatif, moi, avec cet état des jeux qui sortent, cet état des jeux AAA, où ils auraient parfois dû avoir un an de développement en plus, mais comme les actionnaires veulent de l'argent tout de suite, maintenant... il a fallu sortir le jeu dans un état catastrophique pour pas mal des exemples cités, Fallout 76, 2077. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'amuser avec ces jeux, je dis simplement que, et par respect des consommateurs, des joueurs, on aurait pu sortir le jeu dans un meilleur état, surtout au prix où ils payent ces jeux. Oui, on peut télécharger, mais ça, c'est une autre histoire. Notre histoire. Il y a, un early access par contre qui est probablement le pire qu'on ait eu jusqu'ici, c'est celui de Star Citizen. Mais il est en early access depuis 10 ans ce jeu, non ? Mais exactement, je crois que le projet s'est lancé en 2012 hein, de mémoire. Et à la base, c'était donc un financement participatif. Il y a une campagne de financement participatif. À la base, oui. Et aujourd'hui, parce que bien que la campagne de financement soit terminée depuis 10 ans à peu près, il y a toujours possibilité de faire des dons au studio. Et aujourd'hui, j'ai entendu le chiffre, j'ai cru que j'avais halluciné, mais remarque, c'est pas si étonnant que ça. Ils en sont, si les chiffres que j'ai entendus étaient exacts, à 400 millions pour Star Citizen. C'est... Ouais. Non mais c'est incroyable. Alors voilà, je prenais ça entre pincettes parce que j'ai pas vérifié les chiffres, mais en tout cas c'est sûr que c'est plus de 100 millions. Il y a les dons et tu peux aussi acheter déjà du contenu. Tu peux acheter des vaisseaux et autres que tu peux utiliser dans le jeu. Tu peux aussi acheter des terrains sur des planètes, ouais, me semble-t-il. Mais ça, typiquement, c'est le jeu qui ne sortira jamais d'Early Access. Parce que quand tu dis, Florian, qu'on peut acheter des vaisseaux, moi je suis le truc de loin, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est même pas vraiment les vaisseaux que t'achètes des JPEG, t'achètes des images de vaisseaux qui sont pas encore forcément intégrées dans le jeu. Mais je crois que ça dépend. Je crois qu'il y en a, Alors, je suis de très très loin. De temps en temps, JDG en parle hein, de son rapport problématique à Steven. Et il me semble qu'il y a déjà des vaisseaux qui sont modélisés. Donc, si tu les achètes, tu les as. Par contre, il y a effectivement des vaisseaux qui sont promis que tu auras quand le jeu sortira. Je crois qu'il y a un peu des deux. Mais là, vraiment, moi, je me demande s'ils ont vraiment pour objectif de le sortir. J'ai l'impression qu'ils gagnent plus d'argent à le maintenir en early access qu'à véritablement le sortir. Après, maintenant, depuis que le projet a été lancé, etc., il y a eu la mode des jeux-services qui est arrivée. Donc, ça leur donne certainement des idées pour maintenir un cash flow intéressant, même après la sortie du jeu, mais... C'est les tauliers qui en ont parlé dans plusieurs épisodes du calvaire que c'est le développement de Star Citizen entre les dirigeants qui se prennent la tête et qui font n'importe quoi en général. Et Vincent, tu as raison, j'ai cherché sur internet et là je suis tombé sur warlegend.net qui disent que le budget du jeu vient d'atteindre, information qui date du 22 novembre 2021. Ça vient d'atteindre les 400 millions de dollars. Ah oui. Ça fait beaucoup de paquets de pâtes, je vous invite aussi à calculer. Ah ouais. Bah, tu peux t'acheter de la sauce hein, avec ça. Là, t'en es à ce niveau-là. Hein. Tu peux prendre de la Barilla. Allez, tu peux aller taper dans le haut de gamme, là. Panzani, Barilla, vas-y. Allez, on peut passer au sujet suivant, je pense. Mm-hmm. Les NFT, alors on en a discuté un petit peu en off, c'est vrai que les NFT, ça peut faire partie d'un sujet à part entière. Alors on va gratter la surface, je pense, plutôt, et je sais pas toi Flo, parce que c'est un sujet qu'on aborde à deux, même si on ne s'est pas consulté pour le travailler, mais dans l'optique aussi de présager à travers les NFT et les microtransactions et les promesses qui en sont faites, de présager un futur si on va dans l'extrême de cette façon de monétiser le temps du joueur. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai basé le truc. Ouais, vas-y, parce qu'après, comme on risque d'en faire un sujet à part entière, je vais peut-être garder mes billes pour ce sujet-là. Ok, d'accord. Moi, j'ai des pépites et des boulards, donc ça va, j'ai de quoi faire. Commençons donc. Alors, avant toute chose, expliquons ce qu'est un élément fongible, ce qu'est une NFT. Pour cette définition, je vais prendre celle de Pierre Maugin dans JV Le Mag numéro 89, où ils ont un dossier sur les NFT. Il s'appelle « Jeux vidéo et NFT, à moi blockchain nébuleuse ». Et voici ce que c'est. Les NFT sont des éléments catégorisés comme « non fongibles », entre guillemets. Comprendre non substituable à des équivalents de valeurs similaires. Dans le cas des NFT, il s'agit en gros d'un bout de code, token ou jeton, qui agit comme certificat justifiant la possession d'un bien, quelle que soit sa nature. Il est enregistré sur la blockchain Ethereum, je ne sais pas comment ça se prononce. Ethereum, merci. Sinon, ça fait Harry Potter un peu. Ouais, ou sinon ça fait Etarum, voilà. Et il fallait que je la sorte. Ethereum, à savoir une base de données qui ne dépend pas d'un hébergement central, mais qui est répartie entre plusieurs utilisateurs, dans laquelle cet élément sera crypté, s'ajoutant en tant que dernier bloc, ce qui permet de suivre facilement le cheminement parcouru par le NFT et donc de s'assurer de sa validité, d'autant plus dans un environnement sécurisé. L'avantage, faciliter les transactions et empêcher les possibles modifications. En théorie, car en pratique, le risque s'avère loin d'être absent. Voilà, je ne sais pas si cette définition est assez claire, mais en gros, c'est on achète un élément virtuel, du moins un certificat, disant que nous sommes propriétaires de cet élément virtuel. Le côté fongible, ce que NFT, c'est non-fungible token, hein, donc l'inverse d'un échange fongible. Un échange fongible, c'est, par exemple, Florentin, j'ai un billet de 10 euros, je te demande que tu me fasses de la monnaie. Donc, je te donne mon billet de 10 euros et en retour, tu me donnes deux billets de 5 euros. C'est un échange fongible parce que la valeur est la même. C'est 10 euros, c'est juste que tu me l'échanges. Enfin, c'est la forme est différente de ce que je comprends dans les échanges non fongibles, c'est que il y a pas de, tu peux pas avoir la même qualité quand tu échanges un objet. Mmh. Alors oui, non fongible, c'est par exemple un billet d'avion, c'est un objet unique, c'est un objet non fongible. Un objet fongible, c'est par exemple le billet de 10 euros, bah, tu as son équivalent qui est un billet de 10 euros ou de. Voilà, exactement. Même si le billet de 10 euros que t'échangerait Florentin n'a pas le même numéro de série, ça reste ça a la même valeur, c'est la même chose. La même valeur. Là, il s'agit. Les NFT ont des numéros de série, mais d'une part, ils ont tous des numéros de série différents, mais en plus de ça, il n'y en a aucun qui est l'équivalent de l'autre. C'est ça. Ce qui est problématique avec les NFT, moi, ce que je soulève, ou du moins avec la façon dont c'est utilisé dans le cadre du jeu vidéo, c'est qu'on nous dit vous pourrez acheter ces objets virtuels, ils vous appartiendront, et surtout, vous pourrez les revendre. Finalement, vous jouez, vous gagnez de l'argent. C'est trop génial, non ? Et en plus, alors c'était avec Ubisoft Quartz et le jeu Ghost Recon Breakpoint. Ubisoft disait que c'était, facultatif. Mais voilà le truc. La règle pour avoir des NFT dans Ubisoft, chez Ubisoft Quartz, c'était d'être majeur. C'est vrai qu'on ne peut absolument pas mentir sur son âge dans les jeux en ligne. Mais bref, c'est un autre... Non, ça rentre aussi dans le débat. Pour Ubisoft, en fait, il fallait dépasser une centaine d'heures, voire complètement les 100 heures, pour avoir un pantalon dans cette technique-là de NFT et Ubisoft Quartz. 100 heures. Pardon ? T'as dit 100 heures. Oui, 100 heures, pardon. Je suis chiant, désolé. Non, mais j'ai fait ma grammaire s'appelle Disney, ok ? Donc je fais ce que je veux. Ouais. 100 heures pour un pantalon et 600 heures pour un casque ou 600 heures pour avoir un casque. Donc on peut acquérir ces NFT-là sans, a priori, dépenser de l'argent. Mais c'est malin. Pourquoi autant d'heures pour débloquer des NFT ? C'est cool parce que un joueur qui passe autant de temps, de 1, ça veut dire qu'il achètera les DLC du jeu, dans son espérance d'avoir un NFT. 2, il dépensera dans des microtransactions. J'y passe autant de temps, donc pourquoi pas dépenser de l'argent dans d'autres trucs, des microtransactions s'il y en a. Et 3, après avoir passé tant d'heures, eh bien pourquoi pas ne pas essayer les NFT ? Je viens d'avoir 600 heures sur mon jeu, donc pourquoi pas continuer finalement ? Plus que c'est accessible, et ainsi de suite, en sachant que ces trois points interagissent diversement entre eux. Ouais, non, enfin, moi je pense qu'ils ont ils l'ont fait comme ça, parce qu'en fait, développer une NFT, ça reste un investissement de la part d'un éditeur, hein. Il faut, de ce que j'ai compris, le plus sécurisé, c'est de rejoindre une blockchain qui est déjà installée. C'est ce qu'a fait Ubisoft, hein. Ils se sont rapprochés d'une entreprise française qui a sa propre blockchain, etc. Et là, c'est très confidentiel pour Ghost Recon parce qu'ils sont en train de tester leur technologie au niveau des consommateurs et ils sont allés chercher le jeu qui n'a pas si bien marché que ça par rapport aux attentes et par rapport au premier. Ils demandent un haut niveau d'investissement de la part des joueurs pour pas trop que ça fasse un scandale médiatiquement puisque c'est encore très très mal accepté. D'ailleurs, tu le vois là, depuis quelques mois, tu as différents patrons d'éditeurs qui disent oui. Alors, il y en a qui disent on n'ira pas sur NFT, d'autres qui disent on y va. Et souvent, ceux qui disent on y va se prennent à la suite de ça pas mal de mécontentement et ils bougent leur position, plus ou moins. Donc, à mon avis, là, c'est très très sélectif pour que ce soit très très isolé, pour voir si la technologie marche. Et après, ce sera déployé sur des jeux plus importants, avec une échelle plus grande. Et quand ce sera plus accepté, si ce sera plus accepté plus tard. Ah, mais le système reste vicieux, pervers. Le joueur est là depuis longtemps. Donc, c'est même pas inconsciemment, c'est consciemment. On lui fait dire, bah, en fait, t'es là depuis longtemps, t'as vu, t'as quand même une NFT, tu peux avoir tel NFT. C'est pas cool, non ? Bah, donc, en même temps, et en fait, c'est de mettre le joueur dans ce cercle-là. Et moi, c'est sur la dérive que ça peut avancer, mais je vais venir après, juste après. Oui, mais en même temps, est-ce qu'ils n'ont pas ciblé les rares joueurs qui seraient prêts à essayer ? Moi, je pense qu'ils ont envie de tirer dans le tas. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est très, très ciblé pour s'assurer qu'il y a un minimum de gens qui les achètent pour voir si ça marche. Leur bah là, ça n'a pas marché sur le coup, plus que le. Pour voir s'ils arrivent. Si, de ce que j'avais entendu dire, il y a déjà des NFT Ubisoft qui sont mises en vente. Mais c'est très, très de niche, hein, encore, le NFT. On en parle beaucoup, mais ça représente peu de personnes hein, qui sont dessus. Donc, ouais, je pense que c'est plutôt très ciblé pour. Juste pour essayer. Je suis d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas choisi au pif la population sur laquelle ils allaient tester ça, quoi. Mais même le problème de la NFT, c'est que ça veut ensuite toucher tout le monde. Et pour moi, c'est un système de merde, carrément. Et c'est pour ça que, alors, je suis, comment dire, très très rarement d'accord avec Julien Chiez dans ses différentes prises de parole. Pourtant, son coup de gueule sur les NFT était une bonne chose. Et ce coup de gueule, d'ailleurs, sur les NFT peut être conductible à toutes sortes de microtransactions. On sait très bien que beaucoup de microtransactions visent certes, les adultes, c'est dans des jeux des consommateurs moins de 16 ans et 18 ans, mais les entreprises qui les mettent ne sont pas aveugles. Elles savent très bien qu'il y a des ados et des enfants, et leurs microtransactions les visent aussi. Après, on peut dire, oui, les parents, ils ont qu'à vérifier. Oui, mais l'industrie aussi peut très bien ne pas les proposer. Et les microtransactions donc, visent ces enfants par divers procédés qu'on a déjà décrits dans des LMD précédents. Distinction sociale, proposition incessante de produits durant le jeu. Je vous invite à jouer à Fortnite et vous verrez de quoi je parle, donc que ce soit sur Fortnite ou autre. Et à mon sens, les microtransactions devraient être totalement bannies parce qu'on vise les enfants et parce qu'on pousse sans cesse à la consommation. Et les éditeurs, les gros, s'occupe plus de créer un système pour faire dépenser de l'argent qu'un système pour jouer, à mon sens. Et c'est ça le problème. Dans diverses émissions qui parlent de jeux vidéo ou qui ont un public comportant en plus des enfants et des ados, à mon sens, il est irresponsable et totalement irresponsable d'encourager aux NFT ou autres microtransactions. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut participer à un discours valorisant une personnalité ne s'affirmant que la dépense, en sachant qu'on est déjà dans une société de la sorte ? On ne devrait pas valoriser ce genre de merde. Et au final, pourquoi on fait ces NFT aussi ? Et on promet aux joueurs, ouais, tu vas pouvoir gagner un peu de thunes avec tout ça. C'est simplement pour que le joueur reste et pour que l'entreprise soit gagnante. Parce qu'en s'investissant dans les NFT, l'entreprise va l'argent, soit toutes ses microtransactions, et en faisant circuler la monnaie Ethereum, là, surtout ce qui me semble qu'il est possible de faire pour la personne qui crée un NFT, c'est de toucher une commission à chaque fois que ce NFT sera revendu. Parce qu'à la base, tu vois, Ubisoft, là, ils vendent leur NFT sur Ghost Recon, et tu te dis, bah, une fois que c'est vendu sur un autre marché, ils touchent rien. Et si, ils peuvent quand même gagner de l'argent de ce côté-là. Et pour surenchérir sur ce que tu dis, est-ce que c'est intéressant de proposer ça aux enfants ? Mais même pour les adultes, en fait, est-ce que c'est éthiquement intéressant d'aller vers ce modèle-là ? Parce que je vous renvoie, et le lien sera dans la description, une news du directeur de Square Enix qui s'est exprimé sur sa volonté de développer les NFT dans les jeux. Et lui, il commence à faire la distinction entre les joueurs qui veulent jouer pour s'amuser. Il te fait comprendre que pour l'instant, ça représente la plus grande partie des joueurs. Mais il commence à te dire, oui, mais attention, il y a des joueurs qui veulent s'investir dans les jeux et qui veulent pas juste s'amuser, mais ils veulent contribuer au jeu. Et là, je te rejoins, Florentin, c'est pour fidéliser le joueur dans le jeu, tout ça, et essayer de gagner de l'argent. Donc, on commence à te créer une distinction et on commence à te dire, c'est le besoin des gens, pour que tu commences à te dire, ah oui, bah, si c'est le besoin des gens, au bout d'un moment, ça va devenir mon besoin. Et alors, en plus, surtout que... Et juste, je termine, moi, ce qui ne me plaît pas dans ce modèle avec les NFT, c'est que on commence à te dire que ton divertissement, on va trouver le moyen de le rentabiliser. On va commencer à te faire entrer dans la tête, rentabilise ton divertissement, et nous, on va se faire de l'argent sur ton divertissement. Est-ce que ça, c'est souhaitable comme système. En fait, c'est complètement là où je voulais en venir. C'est en fait, le jeu est un jeu. On peut avoir des loisirs, des hobbies qui ne nous rapportent pas de l'argent, c'est normal. Et en plus, ça libère le cerveau de toute contrainte de rentabilité que nous avons dans notre travail quotidien. Quand on joue à un jeu de société, on ne se pose jamais la question, est-ce que je vais gagner du pognon en jouant dames, aux échecs, au burger quiz, pour risque, peu importe. Finalement, là, avec cette mentalité de Square Enix et d'Ubisoft, qu'est-ce qui est caché derrière ? Moi, c'est la question que je pose. Aurons-nous des joueurs travailleurs où les jeux ne trouvent de valeur que par rapport à la somme d'argent récoltée et potentiellement récoltable ? C'est ça la question aussi. Le cerveau devra-t-il s'activer comme il s'active pour le travail quand on joue un jeu ? Super pour se reposer. Génial, je me repose trop. Oh, pardon, je m'énerve, je tape dans mon micro. c'est ça la question. Ce n'est pas pour les joueurs, les NFT, c'est pour les actionnaires. Il faut s'en rendre compte. Le jeu devient un travail rentable. Mais dans quel monde on vit ? Super, ton enfant va jouer. Quand un enfant va arriver, maintenant, il va dire « Moi, je joue à ce jeu parce que je gagne du pognon. » Super, génial. Et quand est-ce que tu joues ? Juste pour jouer, juste pour ton imagination, juste pour ce plaisir-là. C'est ce plaisir qui ne te rapporte que du plaisir et pas un truc physique de la monnaie. En fait, ça apportera, alors oui, une certaine légitimité au jeu, c'est génial. Regardez, vous allez jouer, vous allez gagner de l'argent. Comme le soulève Anna Arendt, si on rapporte de l'argent, c'est un travail. Et le travail, c'est valorisé par la société. Sinon, c'est un hobby. Et le hobby, c'est dispensable. Ça ne sert à rien. Il trouve bien moins de valeur aux yeux de la société en général. Regardez, quand vous dites « ça, c'est mon hobby », on te fait « ouais, c'est ton hobby, on s'en fout ». Par contre, tu dis « c'est mon travail ah, », là, c'est trop bien, c'est génial, t'es quelqu'un. Or, le hobby, je suis désolé, a une importance, je pense qu'on peut le dire, cruciale pour le développement de l'esprit de la personne. Et ce n'est pas parce qu'il ne rapporte pas de l'argent qu'il ne devrait pas avoir de valeur. Donc, c'est génial. Maintenant, on va dire « avec le jeu vidéo, je gagne l'argent, point en plus pour le jeu vidéo, c'est trop bien, achetez-en encore plus. Je joue pas, non, en fait, je travaille là. Donc, je viens de sortir de mes 35 heures par semaine, je vais m'en rajouter 10 pour travailler dans un jeu. Et dès mon plus jeune âge, trop bien. Et avec ça, les actionnaires vont se faire encore plus de pognon. C'est super comme mentalité. Oui. Donc, moi, je trouve... désolé, je m'emporte un petit peu. Je trouve ça dégueulasse et ça ne devrait pas s'implanter dans le jeu vidéo. Et puis, de toute façon, si jamais ça s'installe, parce que pour l'instant, c'est très très loin de se démocratiser, ça va aussi poser des... Ça va aussi poser des questions politiques. Dans un article de Game Cult, le journaliste Van Yaourt revient sur le cas d'un jeu NFT qui était sorti aux Philippines, entre autres. Je vais te retrouver le nom, j'ai JV de Max. C'est quoi, c'est Axis... Ouais, voilà, c'est ça. Axis Infinity. Infinity. Qui était un jeu où tu devais envoyer un vaisseau pour qu'il se cale sur l'orbite d'une comète ou je sais pas quoi, et pour déplacer ton vaisseau, tu devais dépenser de l'argent. Alors ça, c'est pas Axie Infinity. Axie Infinity, ça concerne des petites bébêtes toutes mignonnes qu'il faut faire évoluer et combattre. Et alors JV le Mag l'explique très bien. J'ai l'article devant les yeux, mais pas le lire en entier. Par exemple, pour arriver dans l'univers du jeu de Axie Infinity, il fallait déjà que tu achètes 3 de ces bestioles. Voilà, c'est ça, merci. Tu peux acheter des bestioles à l'unité, mais il t'en fallait minimum 3 pour pouvoir intégrer le jeu qui est autour de ces bestioles, quoi. En tout cas, le ouais, je bref. Et en fait, il disait que dans ce pays-là, il y a des gens qui ont gagné de l'argent avec les NFT. Ils gagnaient notamment beaucoup plus d'argent que le salaire minimum qu'il y avait dans ce pays-là. Sauf qu'ils passaient des heures. Sauf qu'ils passaient des heures pas possibles. Oui. Dessus, et c'était une très mince partie des joueurs. Et en fait. Ce qui est terrible dans cette situation, c'est qu'au bout d'un moment, le gouvernement s'est dit, en fait, ces gains-là, on va y mettre une taxe dessus. Enfin, vous allez devoir les déclarer, tout ça. Quelques temps après qu'ils aient fait ça, le jeu a été déserté. Du coup, tu ne pouvais plus gagner autant d'argent que tu le pouvais. Et donc, on voit bien qu'au niveau politique, ça va poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait des revenus qui sont engendrés ? Quelle valeur on leur accorde ? Et surtout, est-ce que ça va être accepté ? Est-ce que ça va... freiner, je sais pas, des acquis sociaux en disant vous avez qu'à gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéo et ne faites pas chier pour avoir des aides sociales. Enfin, tu vois, je trouve que ça va poser tout ce genre de questions en fait, les NFT, si jamais ça s'installe. Tu voulais revenir, Victor ouais, justement, par rapport à ça, du coup, c'est ce que tu disais en fait, ça pose la question des fameux farmeurs de gold. Et donc déjà par rapport à NFT, de savoir si toutes ces ressources-là, elles vont être en mode libre accès. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu vas pouvoir utiliser ton argent comme tu veux, ou est-ce que ça va être comme par exemple dans Diablo 3, à ses débuts, où tu pouvais trouver des objets et les vendre, mais cet argent, tu le gardais que sur le portefeuille de bizarre pour, par exemple, dépenser sur World of Warcraft, avoir ton abonnement, acheter un autre jeu de la licence bizarre, etc. Donc si en effet l'argent tu peux l'utiliser comme tu veux, bah, ça va vouloir dire que va y avoir des farmeurs de gold comme il y a sur, oui. sur World of Warcraft, etc., qui ont une très très très grande compétence en matière d'optimisation et de manière de faire de l'argent dans les jeux vidéo, qui risquent déjà, pour moi ça va être la première menace. Hein, de... Sachant que l'un des principes de NFT, c'est de créer de la rareté dans le numérique, là où il n'existait pas jusqu'à maintenant. Et là, en fait, là, je reviens au sujet d'avant, et avec le problème que ça me posait, l'idée d'installer dans la tête des gens, d'avoir accès au jeu avant. Et je crois que c'est Vincent, tu me disais, oui, ben, après, dans l'absolu, ça pose pas de problème. Oui, dans l'écosystème actuel, ça pose pas de problème. Mais si jamais, je suis mon hypothèse du début, c'est-à-dire l'abonnement, le jeu service va largement se marier, là-dedans va trouver sa place la NFT, si ça s'installe, hein, c'est toujours hypothétique, hein, si jamais ça s'installe, là, clairement, ce qui se passe dans les premiers jeux NFT, comme il y a un système de rareté, les premiers arrivants ont plus de facilité pour avoir un contrôle sur les ressources. Et en fait, c'est surtout les gens qui vont devenir dominants par rapport aux ressources du jeu qui vont pouvoir gagner plus facilement de l'argent. Alors, à partir de là, avoir accès au jeu avant les autres, ça devient plus un luxe, ça va devenir très important si jamais tu veux espérer investir. Parce que le modèle du NFT, c'est jouer pour investir. Parce que le NFT, c'est un actif. C'est acheter un objet de collection, acheter des actions en bourse. C'est les mêmes logiques là-dedans. Pour contextualiser, donc j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Albion Online, qui est donc un MMORPG, et qui a la particularité d'avoir une économie très libre, quoi. Donc type bac à sable, sandbox, comme on dit, où l'économie, en fait, il y a peu de taxes, donc c'est les joueurs qui autogèrent, on va dire, l'économie de manière assez libre. Et en vrai, les NFT, alors, vont pas changer grand-chose, à mon avis, parce que en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui vendent ce qu'ils arrivent à gagner en argent. Et le mécanisme que tu dis sur le fait des premiers arrivants, c'était déjà le cas sur Albion Online, c'est déjà le cas dans la plupart des MMORPG. Plus tu arrives tôt, plus tu peux développer un monopole sur le marché qui te permet ensuite de générer des revenus sur le long terme. Après, là où je trouve c'est quelque chose de très très très intelligent de la part des développeurs, c'est que faire des NFT pour encourager la vente et tout et tout, comme on l'a dit, c'est quoi le principe de ces trucs-là, des NFT, c'est que c'est pistable. C'est quelque chose que tu peux identifier, tu peux voir l'historique des transactions qui ont été effectuées, et donc ça permettrait aux entreprises de court-circuiter peut-être, en tout cas là, je l'interprète un peu comme ça, c'est l'idée que j'ai, que ça permettrait aux entreprises de court-circuiter complètement le marché noir qui a déjà lieu au sein de tous les MMORPG, se réappropriant l'historique des transactions et de savoir qui a échangé avec qui et de maîtriser beaucoup plus ça pour récupérer l'argent qui était perdu à travers les marchés noirs. Oui, et puis à mon avis, le simple fait qu'on te dise, ben regarde, tu peux faire de l'argent légalement, et en plus c'est organisé par l'éditeur, ça va peut-être rassurer beaucoup plus de personnes que de passer par des moyens un peu détournés actuellement qui... Il y a un délire de blanchiment d'argent aussi avec ce truc, hein, j'ai vu passer, parce que ça fonctionne avec un système d'enchères, en fait, pour acheter une NFT, il y a un système d'enchères, généralement. Il suffit de créer une NFT toute pétée et de dire à des gens avec qui tu as besoin de blanchir de l'argent de mettre une enchère incroyable dessus. Bon, bref. Et de toute façon, et après, alors, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. On nous dit, ouais, mais de toute façon, nos serveurs sont écologiques, ils fonctionnent à patati patata. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'une ferme de serveurs, on le sait tous, c'est très écologique, un serveur, bien sûr. Ça repose sur des data centers aussi, cette technologie de blockchain et de monnaie comme le Bitcoin, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, de crypto-monnaie, voilà. Et on sait tous que la crypto-monnaie, c'est hyper polluant, donc. Oui, vous emmerdez pas avec écologie, mais c'était vraiment, je sors pas plus. Mais ouais, c'est parce mais ça, que c'est... Ubisoft nous sort le truc du « Ah, mais celle-ci, elle est écologique. Encore plus écologique. Tu le fais pas. » Ben, le truc de... Alors, je serais incapable d'expliquer les détails techniques que je ne maîtrise pas, mais effectivement, le modèle du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est l'idée de faire des calculs, en fait, de calculer l'ensemble des transactions qui ont été faites à un instant T, et si jamais tu y arrives en premier, tu es récompensé par un Bitcoin, et... Les transactions augmentant, forcément, ça demande de plus en plus de puissance. Donc là, effectivement, c'est un désastre en termes de ressources électriques. Mais il existe déjà d'autres modèles pour assurer la sécurité de la blockchain et qui ne demandent pas de faire autant de calculs. Et en fait, il commence déjà à exister d'autres modèles de blockchain qui consomment beaucoup moins. Donc c'est possible d'avoir des blockchains qui auront un coût moindre que les premières qui sont sorties. De ce que j'ai lu. Il y aura toujours ce coût écologique, mais bref, fin de la parenthèse, parce qu'on n'est pas sur l'écologie dans le jeu vidéo. Moi, c'est ce qui me... Dans cette promesse qu'on fait aux joueurs du « oui, tu vas gagner de l'argent », et il y a des joueurs qui demandent à gagner de l'argent avec leur jeu. Super, embauche-les comme développeurs, ça sera peut-être... voilà. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais si ton loisir... Si on se met tous dans l'objectif que notre loisir doit absolument être rentable, ça s'appelle un travail. Et au niveau, on parlait du burn-out tout à l'heure, on parlait des dépressions, etc. J'ai évoqué le fait que ton hobby, ton loisir est fait pour te détendre, penser à autre chose aussi que la rentabilité. C'est très bien de vivre de sa passion aussi, il y en a qui le font, tant mieux, c'est... Mais quand tu as une activité autre, tout ne doit pas rentrer forcément dans la rentabilité. Et surtout, quelqu'un qui va jouer à un jeu vidéo, que ça soit un enfant, un ado, peu importe, pourquoi on lui dirait « Vas-y, joue, tu vas nous joue pour gagner de l'argent ?» Après, en vrai, avocat du diable, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui est le plus communiqué par les entreprises. Ah, ça si reste quand même plus sur le modèle de la collection aussi, tu vois. Ah non, regarde Square Enix, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ubisoft, c'est dit à demi-mot. C'est dit à demi-mot que c'est pour que tu gagnes de l'argent, etc. Square Enix, eux, ils s'en cachent pas. Mais il y a des joueurs, ils veulent rentabiliser leur temps. On commence à vraiment creuser le sujet, et alors qu'on tout le monde ne le maîtrise pas, et je pense qu'il faudrait vraiment y revenir plus tard, d'autant qu'en fait il y a un truc dont on n'a absolument pas parlé pendant cette, je crois, demi-heure accordée aux NFT, c'est les metaverse qui sont très en lien, le metaverse est très en lien avec les NFT, et donc vous voyez, c'est beaucoup trop vaste, et je pense qu'on aurait tout intérêt à faire vraiment une émission complète dessus, quoi. Non, je suis pas d'accord, continuons. Bien sûr, on va s'arrêter là. C'est vrai que ça fait un moment, j'ai pas regardé le chrono, mais oui, ça fait un petit moment. Juste pour conclure, j'ai une citation du président de Square Enix. Je pense que cela incitera davantage de personnes à s'investir dans ces efforts et permettra au jeu de se développer de manière passionnante, qu'il s'agisse de s'amuser, de gagner de l'argent ou de contribuer à une grande variété de motivations, incitera les gens à s'investir dans les jeux et à se connecter les uns aux autres. Donc on te vend cette promesse de te faire du fric. Ouais. En effet. Bref. Allez, voilà. On passe à l'autre chose. Alors, ça s'est rajouté sur le tard, le conducteur, mais le prix des jeux, où on a tendance à dire, quand c'est un indé qui vend son jeu à 30 euros, on lui dit c'est trop cher. Quand il le vend à 25, ça reste encore trop cher, voire à 20 euros, ça reste encore trop cher. Tout à l'heure, nous avons dit, c'était principalement moi, que 80 euros, c'était cher. Comme jeu, c'est quoi le juste prix du jeu vidéo? Il y a JV le Mag qui en a fait aussi un numéro, mais ça s'est rajouté sur conducteur au moment où on enregistrait l'émission. J'ai pas eu le temps d'aller le chercher, d'aller voir ce qu'il en disait. Mais Vincent, je crois que tu as ton idée sur le juste prix du jeu vidéo. Ah ouais, tu vois, il n'y a pas ta chose. Dans la fosse au lion, voilà. Ouais. Il t'a acheté là. Dans la fosse au lion, démerde-toi, allez. Déjà, alors je sais pas comment organiser le truc, j'ai envie de parler de prix réel et de prix symbolique, et j'ai envie de parler de... cette discussion, les prix des jeux, on l'a eu en off entre nous quatre, à propos des DLC de Mario Kart 8 Deluxe, hein, qui ont été annoncés là, pour, comme vous ne le sauriez pas, pour 25 euros, il est possible d'acheter les 48 circuits à venir, à raison de 6 quelque chose comme ça, non, 8 par mois ou tous les deux mois, quelque chose comme ça. Et donc ce qui revient finalement à 50 centimes le circuit et 48 circuits en DLC, finalement, c'est, du coup ça double le nombre de, total de circuits qu'il y avait dans la version bah, dorénavant Vanilla de Mario Kart. Alors que tu les as pas tout de suite, mais bon. Ouais, c'est comment dire, c'est espacé dans le temps jusqu'à en 2023, je sais plus quand exactement. Voilà, moi c'est par exemple le genre de pratique qui ne me choque pas, spécifiquement pour ce DLC-là de Mario Kart 8. Mais pourquoi bah, Mario Kart, typiquement déjà, c'est un jeu. C'est un jeu, Mario Kart 8 Deluxe, donc c'est la réédition du Mario Kart 8 sorti sur Wii U. C'était considéré déjà sur Wii U comme étant le meilleur Mario Kart par beaucoup de joueurs. En tout cas, tout le monde s'accordait à dire que c'était l'un des meilleurs Mario Kart. Sauf que la Wii U, vous le savez, c'est une console qui s'est très mal vendue. D'ailleurs, elle a une durée de vie très très courte. Le jeu s'est écoulé à quelque chose comme 13 millions d'exemplaires. La Wii U s'est écoulée à quelque chose comme 13 millions d'exemplaires au total. Les ventes de Mario Kart 8 Deluxe aujourd'hui, c'est, enfin, je crois que ça combine à la fois la version Deluxe de la Switch et de la version Wii U, c'est plus de 40 millions. Donc, admettons que chaque possesseur d'une Wii U ait acheté Mario Kart 8, il y en a du coup 30 millions supplémentaires qui l'ont racheté sur Switch, rien que ça. Donc, c'était pas une mauvaise idée du tout de rééditer ce truc-là sur Switch, au contraire. Et bon, le jeu, il a fait son temps. Je veux dire, les 48 circuits existants dans le jeu, ça va, les joueurs, ils les connaissent, ils ont le temps de déponcer, ils ont le temps de rentabiliser leur achat. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Nintendo de proposer de nouveaux circuits pour si peu cher, à mon goût, à mon sens. Et d'autant que... Bah, oh oui, alors voilà, l'une des polémiques qu'il y a eu, notamment par un article de Numérama, c'est que, mais oui, mais pourquoi ne pas plutôt faire un Mario Kart 9? Ça, c'était la première critique. La deuxième critique, c'était qu'une partie des circuits était issue notamment de Mario Kart Tour, donc le jeu Mario Kart sur téléphone portable, qui a été téléchargé par un grand nombre de personnes, mais qui l'ont désinstallé aussitôt. Et donc, c'est une façon pour Nintendo de, comment dire, recycler finalement une bonne partie des circuits du jeu pour pas très cher, parce qu'en plus, ils étaient déjà en HD. Enfin, voilà, la transition graphique entre la version du Mario Kart Tour et celle de Mario Kart 8 Deluxe, elle n'est pas saisissante. Donc, ouais, y a des gens qui ont crié un petit peu au scandale. Voilà, c'est honteux de recycler des trucs comme ça. Bon, je sais pas, pour moi, 50 centimes le circuit, c'est pas cher. Aidez-moi. Enfin, ouais, mais tu les as. J'arrive. Attends, Victor, tu vas pouvoir lancer tes tirs d'artillerie dans un instant. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le jeu Mario Kart 8 était déjà fini, complet, et n'avait besoin de rien d'autre pour être apprécié. Exactement. Il est arrivé nickel, il a été considéré comme l'un des meilleurs Mario et aucun DLC n'était prévu à la base sur ce Mario-là. Mmh. La Switch ayant une plus grande durée de vie et qu'un Mario ne sortant que à chaque génération de console de Nintendo, ça ne sert à rien de sortir un Mario, surtout que celui-ci est très complet et que très sûrement qu'un Mario se justifie avec une nouvelle console qui a peut-être de nouvelles fonctionnalités. Et donc que ce Mario utilisera. Exactement. Ce DLC arrive à un moment plusieurs années plus tard après ce succès de Mario Kart 8, et il arrive dans la mesure, enfin il arrive, mais il fonctionne comme devrait fonctionner un DLC, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire. Mmh. Que vous l'achetiez ou non, ça ne change rien au jeu parce qu'il ne manque rien du tout à Mario Kart. C'est vraiment un bonus. La chose que certaines personnes peuvent dire, c'est mais ils auraient pu l'offrir comme Sucker Punch, le développeur de Ghost of Tsushima, a offert son mode multijoueur sur Ghost of Tsushima. Ça dépend d'une... chaque entreprise a sa politique. Mm-hmm. Nintendo, lui, a préféré le faire payant pour des raisons qui lui sont propres, je suppose. Payer les employés et... utiliser ses bénéfices très probablement pour un futur Mario Kart. C'est ça, Vincent ? Oui, c'est ça. Bon, du coup, peut-être que Victor, tu veux nous... Tu vas entrer en contradiction avec celle-là. Yes. Yes. Bah, du coup, j'ai trouvé des chiffres là, vite fait. Ils datent, je crois, de 2014 à 2019, donc ils sont pas d'actualité totale, mais bon, c'est un peu galère de trouver des chiffres. Hein. Moi, je suis pas un journaliste jeu vidéo et tout, hein, de base, donc c'est assez dur. D'ailleurs, c'est assez dur au final de savoir combien les entreprises investissent en recherche et développement de base. Mmh. Et du coup, ce que j'avais vu, c'est que sur ces chiffres-là, qui étaient de Statista, pour les retrouver, peut-être je donnerai le lien pour que les gens puissent... C'est pas peut-être, c'est donne-nous le... Ah, vite fait. Et donc, en gros, ils montraient que, bon, au final, Nintendo investissait plutôt de manière... comment dire, de manière stable. Stable dans ses investissements de 2014 à 2019 à peu près. Et j'étais tombé sur un autre article qui disait, je sais plus où, qu'au final Nintendo avait plus investi en 2021 par rapport aux autres années, enfin que l'investissement en recherche et développement était en croissance, mais que par rapport aux bénéfices qui avaient été faits avec Covid et tout. Au final, ça restait pas énormément et ça restait un peu à l'équilibre au niveau du pourcentage entre ce qui est gagné et ce qui est investi. Et donc tout ça pour dire qu'au final, Nintendo est quand même assez connu pour être assez radin, je trouve, sur ce qui est investi. Et là, c'est vrai que bon, après, objectivement, c'est dans les habitudes de Nintendo de sortir le jeu comme ça et de pas fournir du contenu plus voilà, une fois que le jeu est sorti. Souvent ils ont la flemme, quoi. Et moi, ce que je critique, c'est le fait en ce moment que Nintendo, quand même, avec Pokémon et Mario Kart, qui montre que des licences qui d'habitude étaient sorties sans DLC, hein, qu'au final il y a tout qui commence un peu à se DLCiser chez Nintendo, et que bon, quand même, vu les bénéfices qu'ils font, vu les bénéfices records qu'ils ont réussi à faire, etc., etc., bon, ils faisaient pas trop d'efforts, quoi. Pas trop d'efforts sur du contenu qui était déjà existant sur d'autres plateformes. Bon. Donc ça, c'est une critique que tu reportes aussi sur l'industrie en général. Ouais. Et dont Nintendo est quand même assez... voilà, Nintendo, c'est quand même... voilà, ils sont connus pour pas faire beaucoup d'efforts de ce côté-là et souvent réutiliser du vieux contenu, quoi. Réutiliser du vieux contenu, alors je ne sais pas, et pas faire beaucoup d'efforts. Le fait est que Nintendo, chaque jeu qui sort est terminé. Zelda Breath of the Wild, tout est terminé, et les deux DLC qu'ils ont sortis sont complètement dispensables et le jeu final n'a besoin de rien du tout. Et pareil pour Mario Kart. Et comme l'a dit, je sais plus si c'est Flo ou Vincent, leur politique, c'est de faire un jeu terminé au début et peut-être un DLC à l'avenir. Le seul jeu qui se fait un peu jeu service, c'est Animal Crossing, et il n'y a pas de microtransactions à l'intérieur. Et ils ont simplement sorti un DLC pour fabriquer, je crois, des écoles, si je me souviens bien. Pas trop suivi ce DLC-là. Non, en fait, c'est pour. En fait, ça donne des missions pour décorer des maisons, en gros. Ah oui, mais voilà. Mais en fait, les DLC chez Nintendo sont vraiment des DLC hyper optionnels. Tu peux très bien faire. Enfin, pour moi, Nintendo respecte l'objectif d'un DLC qu'on a à la base quand on faisait des DLC. C'est vraiment dans l'option. C'est pas du nécessaire. Ouais, tu vois, mais il y a plein de jeux qui font des mises à jour. Et ces mises à jour, elles sont gratuites, quoi. Surtout de la part je sais pas, en tout cas, les exemples qui me viennent en tête, c'est des jeux indés. Des jeux indés qui arrivent à choper le budget pour réussir à faire des grosses mises à jour, style Terraria, ou il y avait un autre nom qui me venait en tête, Wizard of Legend. Ces jeux-là, ils n'ont pas les bénéfices de Nintendo, ils arrivent quand même à sortir du contenu pour continuer à attirer des gens, quoi. Alors, pourquoi ça pourrait pas être fait par Nintendo? C'est une autre stratégie, je pense. Nintendo, ils n'ont pas besoin d'attirer plus sur le long terme. Ils ne sont pas dans l'optique de service. Peut-être que je dis des bêtises, hein, dites-moi si je me trompe. Et leurs jeux, ils arrivent, ils ont un succès franc. Tout le monde les connaît pour avoir des jeux terminés de base. Et les joueurs sont là tout le temps. Ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir de la rétention du joueur sur le très long terme. T'as raison, t'as raison. Yeah. T'as raison, mais bon, en vrai, ils pourraient faire un effort. Vu le bénéfice qu'ils font, il n'y a aucune redistribution. Quoi. Mais franchement, 50 centimes le circuit, moi, je trouve que c'est vraiment rien. Et alors, du coup, pour peut-être apporter une explication pourquoi est-ce que il y a des jeux indés qui proposent des DLC gratuits et pourquoi ce n'est pas le cas chez Nintendo, l'explication qui me vient, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais bon, je pense qu'elle s'entend. C'est que quand tu fais un DLC payant, eh ben, tu sais que tu ne vas pouvoir le vendre, grosso modo, hein, qu'aux personnes qui ont déjà le jeu de base. Il n'y a pas un gars qui n'a pas le jeu qui se dit « Ah ouais, je veux jouer à ce DLC, donc je vais d'abord acheter le jeu de base. » Non, c'est d'abord t'aimes le jeu et ensuite tu vas acheter le DLC. Donc en fait, finalement, tu vas pas le vendre, enfin, selon ton parc de joueurs, tu vas pas le vendre à grand monde ton DLC. En revanche, quand t'es un jeu indépendant, quand t'es Binding of Isaac par exemple, et que tu fais des mises à jour successives de ton jeu, et bah là, en fait, tu continues la communication autour de ton jeu. Et en plus de ça, comme c'est le même ticket d'entrée pour tous les joueurs, quand bien même le jeu serait mis à jour en contenu, et ben là, c'est un argument supplémentaire pour amener des joueurs dessus, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, non mais ça, t'as raison sur l'argumentaire, mais bon, vu les bénéfices faits par Nintendo et vu le prix de leur magasin, bon, y a quand même très très peu d'efforts qui sont faits et ça reste quand même le Apple du jeu vidéo. Quoi. Et sinon, le prix des jeux. Alors là, oui, effectivement, c'était une très grande introduction sur les DLC. Mais pour les prix des jeux, alors il y a une vidéo de Doc Gero. Et l'autre, je ne sais plus laquelle c'est de... Je ne m'en souviens plus. Si. Ah, je vais te le dire. Non, mais parce que Apple, voilà, prix des jeux. Moi, je continue. Pas Apple, t'as ce lapsus. Nintendo sur le prix des jeux, c'est quand même quasiment les seuls qui vont te vendre des jeux, là, pour le coup, en boutique. Enfin, en boutique en ligne, ils ont aucun souci pour continuer à te vendre les jeux à 70 euros, quoi, la plupart du temps. Bah, Sony, Microsoft, 80 balles. Ouais, mais je sais pas, moi, enfin, tu vois, sur PC, c'est mon côté joueur PC. Chez Nintendo, un jeu n'en remplace pas un autre. Évidemment, quand tu fais un Uncharted 3, vieil exemple, désolé, mais bon, la logique est la même. Hein. Quand tu fais un Uncharted 3, quand tu as dans l'objectif de vendre un nouvel épisode, forcément, les épisodes derrière, ils baissent en prix. Nintendo, tu vois, il n'y a pas un Mario qui remplace un autre Mario. Je veux dire, c'est des expériences complètement différentes. Ce sont des expériences indépendantes les unes des autres. Quand tu achètes un jeu Nintendo, il se suffit à lui-même. Donc c'est normal que le prix... Bon, moi je trouve pas. Hein. Bon, pour le coup, Mario Kart, vas-y, de base, t'as je sais pas combien de circuits. Je trouve que de base, le jeu, il en a pas assez. Hein. Mais bon. Ah, 48, c'est pas mal, hein, moi je trouve. Enfin... En tout cas, au niveau des chiffres, bon là, source Evian, hein, là, au niveau des chiffres, et de ce que j'avais lu vite fait par rapport aux stratégies d'investissement de Nintendo, il disait que Nintendo avait quand même l'habitude de garder pas mal d'argent. Mm-hmm. De garder pas mal d'argent en backup, hein, de sauvegarder pas mal d'argent par sécurité, et donc en effet, ils avaient une stratégie d'investissement qui était quand même assez timide sur leur jeu de base. Oui, mais peu importe, en fait, je veux dire, toi, t'es au courant de ça, d'accord, c'est une chose, mais en fait, un joueur lambda, il n'en sait rien. Le joueur lambda, tout ce qui l'intéresse, c'est que le jeu pour lequel il met une certaine somme, bah, vaille le coup, en fait. Il ne regrette pas d'avoir payé 60 euros son jeu Switch. Est-ce que c'est le cas? Bah, la plupart du temps, oui, il ne le regrette pas. C'est tout ce qui importe, en fait. C'est est-ce que le jeu que tu achètes, il est de qualité? Est-ce que tu en es satisfait? Oui, dans la majorité des cas. Donc, c'est tout ce qui importe, à la finale. Enfin, pour revenir sur le prix exact des jeux, cette vidéo de Doc Gero qui parle des jeux, alors, moi, m'a pas aidé à comprendre le prix des jeux, parce qu'il y avait plus des arguments moraux, puisqu'il nous décrit pendant très longtemps comment fonctionne Hades, et ensuite il nous dit, en gros, c'est même pas assez. Moi, j'ai besoin d'arguments chiffrés. Là où la deuxième vidéo de, je ne sais plus comment... Game Dev Alliance m'aide un peu plus avec des arguments plus pragmatiques, parce que quand on parle de chiffres de vente, il faut être pragmatique, donc là, Mais pour meilleure vidéo à laquelle participe également Doc Gero. C'est ça, voilà. Et là, je l'ai trouvé plus intéressant, par contre, dans ce qu'il disait. Et pour voir le prix des jeux, alors, avant de ça, pardon, je suis un peu décousu. Les indés, dès qu'ils vendent un jeu à 30 euros, alors qu'on peut le finir en 2 ou 3 heures, on leur dit c'est trop. Mmh. Dès qu'ils vendent un jeu à 25 euros, on chipote, et à 20 euros, ça semble s'être stabilisé à ces prix-là. Mais il faut rappeler que des indés, par rapport aux grosses boîtes, donc je te rejoins Victor, qui peuvent comment dire, faire que quelques cadeaux, entre guillemets, les indés, ils ont leur propre trésorerie, ils ont des gens à payer, il faut qu'ils mangent aussi, donc il faut qu'à la fin, le jeu soit rentable, sinon, eux, c'est clair, ils coulent. Ainsi, dans le prix des jeux, moi, j'ai besoin de savoir ce que représente exactement tel ou tel prix du jeu. Pour essayer d'y voir un peu plus clair sur un prix, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je me suis basé, par exemple, sur le prix du livre. Mmh. Donc là, je vais vous expliquer une infographie que j'ai trouvée sur chapitre.com, qui date de 2012. Mais d'un site à l'autre, on retrouve globalement les mêmes chiffres. Dans le prix d'un livre, nous avons la part du libraire, qui est de 37,5%, la part du distributeur, qui est de 17%, la part de l'imprimeur, qui est de 15%, la part de l'éditeur, qui est aussi de 15%, et la part de l'auteur, qui est de 10%, et ensuite la part de l'État, qui est de 5,5%, qui représente en gros la TVA. Et ça, c'est peu importe le prix du livre, de 20 euros à 14 euros ou à 6 euros. Donc je suppose que pour un jeune éditeur, vendre des livres grand format, donc à 14 euros, ça lui permet de beaucoup plus rentrer dans ses frais qu'un livre de poche qui lui est vendu 6 à 7 euros. Et faites le calcul, 15% de 6 euros, c'est pas énorme. 15% de 14 euros ou de 20 euros, bah, tu as une trésorerie un peu plus conséquente. Et je me demande si le prix d'un jeu n'est pas déterminé de la sorte. Mais à savoir que aussi en France, on a un prix unique du livre qui permet de protéger le commerce du livre de la petite librairie à la grande librairie, comme le soulève Delphine dans une interview qui est sortie sur Causons Pixel sur les librairies indépendantes. Elle est disponible sur la chaîne, ainsi qu'une interview de gérants de boutiques de jeux vidéo qui expliquent leur positionnement et ce que pourrait devenir l'industrie par rapport à ces. Là où je pardonne plus un jeu indé et moins un blockbuster d'un éditeur, comme EA Games ou comme Sony qui vont gonfler les prix jusqu'à 80 euros, j'ai un peu de mal à comprendre exactement comment c'est chiffré tout ça. Et l'excuse des jeux, ça devient de plus en plus cher, me paraît être un peu poussée. 80 euros, c'est une somme. J'aimerais en fait avoir un comparatif, par exemple, avec le cinéma. Le cinéma où le prix dans les multiplex. Rarement dans les multiplex, c'est de combien, 18 euros parfois la séance. Ouais, ça arrive, ouais. Ouais, et moi dans le cinéma où je vais, je crois que c'est 6 euros, quelque chose comme ça, la place. Et un film arrive à être rentabilisé alors qu'il a coûté 300 millions de dollars. Donc il y a un truc que j'ai du mal à comprendre en fait avec ça. Mmh. Et par rapport, je le place rapidement, par rapport au cadeau que pourrait faire une entreprise. Et d'ailleurs, la deuxième vidéo de Game Dev Alliance en parle. C'est quoi? C'est Hades, c'est ça, qui a été vendu à 20 euros. Ouais, 25. 25. Et il y a un autre jeu, me semble-t-il, qui est sorti, lui, à 20 euros. Enfin, ça a descendu le prix des jeux. Et du coup, c'est devenu une sorte de nouvelle norme. Ouais, Hollow Knight. Et donc, ça a embêté les autres développeurs. Apparemment, ça a embêté des développeurs indépendants parce qu'ils se sont dit, bah merde, Hollow Knight est d'une grande qualité, il est de 20 euros. Et nous, c'est un peu juste pour vendre notre jeu à 20 euros. Cette mentalité-là, je peux la comprendre quand on est indépendant. Je vais vous donner un exemple. Vous faites des vidéos. Donc, votre métier est d'aller voir des restaurateurs, des associations, des particuliers pour leur faire des vidéos de promotion, des teasers, des bandes-annonces et autre chose, en fait. Vous, en tant qu'indépendant, vous fixez vos prix à 50 euros de l'heure parce que dedans, vous devez calculer les taxes. Et vous devez bien payer votre loyer, votre abonnement internet, le matériel aussi. Si vous avez un abonnement à un logiciel de montage vidéo comme Adobe, qui est de 20 euros par mois, si je ne dis pas de bêtises, 16 euros par mois, quelque chose comme ça, eh bien, vous devez le comprendre dans votre prix. Et ensuite, avec tout ça, eh bien, vous avez de quoi manger. Et puis, vient quelqu'un qui, lui, fait ça sur son temps libre gratuitement aux gens. Même si la qualité n'est pas au rendez-vous, il fait ça gratuitement. Ce qui peut engendrer, alors il a le droit, je ne dis pas qu'il n'a pas le droit, fait le droit. Mais ce qui peut engendrer d'un côté à quelqu'un à qui c'est son métier, il redémarche les gens et les gens vont lui dire « Ouais, mais on a lui qui fait ça gratuitement. » Ce qui fait qu'il va devoir descendre ses prix et ne plus rentrer dans ses frais. Donc je peux comprendre pourquoi Nintendo, s'ils ont cette mentalité-là, vend son DLC à 25 euros. Tout comme je peux comprendre des indépendants qui disent 25 euros ou 30 euros, c'est nous notre seuil de rentabilité selon les chiffres que nous vendons. Par contre, les grosses entreprises, j'ai un peu plus de mal avec des prix comme 80 euros. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. J'étais très long, pardon. C'est compliqué le prix des jeux parce que... Je n'ai plus la méthode complète en tête de comment est-ce qu'on en vient à définir le prix d'un jeu. En fait, en gros, tu fais une étude de marché, tu dis, ok, moi je veux faire un jeu, il est comme ça, c'est un RPG, je veux telle et telle fonctionnalité dessus, j'ai telle et telle ambition pour le jeu, d'accord, ça c'est mon projet de rêve. Ensuite, je regarde du coup les concurrents, je regarde... à combien de personnes je pourrais le vendre. J'estime à combien de personnes seraient intéressées par le truc pour l'acheter, etc. Ensuite, je définis un prix et je fais des simulations, des estimations. Et je vois si, du coup, c'est réalisable, si je rentre dans mes frais ou pas. Et si ce n'est pas le cas, du coup, j'ajuste quoi ? Est-ce que je descends le prix ? Est-ce que j'enlève des fonctionnalités au sein de mon jeu ? Voilà, c'est assez savant. J'ai plus le truc complet pour bien vous le faire. Mais... un jeu vidéo, ça coûte de plus en plus cher. Les jeux qu'on développait sur PS3 360, ils étaient déjà beaucoup plus chers que ceux qu'on faisait sur PS2 et Xbox. Et les jeux que l'on a sortis sur PS4, par exemple, avec des The Last of Us 2 ou Red Dead Redemption 2, qui sont les plus grosses productions jamais faites à l'heure actuelle, il me semble. Je ne sais même plus si on inclut le budget marketing à l'intérieur. Moi, j'avais entendu 400 millions pour The Last of Us 2 et 600 millions pour Red Dead Redemption 2. On n'avait jamais vu ça. Et cette génération-ci, avec la PS5 et les Xbox Series, il ne faut pas croire, les nouvelles hyper-productions de Naughty Dog et de Rockstar, elles vont coûter encore plus cher. Et pourtant, votre jeu, vous le vendez toujours, Day One, à 70 euros, maintenant 80 euros. 800 millions de dollars pour Red Dead Redemption 2, d'après West France. Ok, donc du coup, c'était 600 millions pour The Last of Us, je pense. Environ 540 millions de dollars, d'après quelqu'un d'autre. Bref, et tu vois, on vous enverra différents liens. Et c'est le 70 euros, 80 euros si tu achètes le truc Day One. Sinon, déjà, il y a des gens, en fait, contrairement au cinéma, ça c'est l'avantage du cinéma, et c'est pourquoi les projections en salle de cinéma vont probablement et doivent survivre, c'est que tu peux pas télécharger le film pendant qu'il est au cinéma. Tu peux récupérer une vieille version qu'un mec a filmé avec son caméscope pendant la séance, mais je veux dire, il y a des films, les blockbusters, aucun intérêt de la regarder dans une salle qualité, tu vois. Donc les gens qui ont envie de voir les blockbusters, qui n'ont pas envie d'attendre un an, etc., ils vont le voir en salle. Un jeu vidéo, il est possible de le télécharger en bonne qualité le jour de sa sortie. Donc déjà, c'est un risque. Et en plus de ça, il y a des soldes agressives à chaque période importante, Black Friday, Noël, etc. Même un AAA qui sort, aujourd'hui, à la grosse période des soldes, il a déjà une petite promo de 10%. Tu vois, même aujourd'hui, il y a des gros jeux AAA qui sortent, si tu fais partie des early adopters, donc tu peux l'obtenir avec moins 10% dès le lancement. Enfin... Voilà, donc il y a une concurrence féroce dans le milieu du jeu vidéo. Vous voyez, par exemple, la grosse période pour sortir son jeu, c'est la rentrée. C'est octobre, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est dans cette période où ils te sortent absolument tous les gros AAA, les grosses licences. Et là-dedans, faut pas croire, il y a toujours des morts, en fait. C'est vraiment les Hunger Games, cette période, pour les jeux vidéo. Donc, c'est très compliqué, vraiment, de fixer le bon prix pour un jeu vidéo. Parce que, vraiment, un AAA qui se casse la gueule, eh ben, ça fout un gros coup à l'entreprise. Hein, parce que, donc, je vous l'ai dit, ça coûte tellement plus d'argent à produire. C'est aujourd'hui les objets médiatiques qui coûtent le plus cher à réaliser. Hein. Un jeu vidéo, je sais pas si on a déjà eu un film produit avec le budget de The Last of Us ou de... Mais en fait, non, mais je le sais, c'est même pas le cas. Parce que, par exemple, Avengers Infinity War, c'était 300 millions. C'était deux fois moins, c'était plus de deux fois moins que, du coup, comment il s'appelle, Red Dead Redemption 2. Vous vous rendez compte ? Je crois que Avatar a coûté 237 millions de dollars. Après, là où... Enfin, ce qu'il faut rappeler, je ne crois pas que tu l'as dit dans ce que tu as dit, mais un des facteurs de rentabilité des AAA, comme c'est le cas genre, par exemple pour GTA V, c'est d'être vendu pendant 10 ans, quoi. C'est que pendant 10 ans, il y a des gens qui vont l'acheter. Alors ça, ça ne fonctionne pas pour tous les jeux, au contraire. Hein. Ce que l'on dit dans le jeu vidéo, c'est que la concurrence dans le jeu vidéo, elle est de très courte durée. Ce que je veux dire, ce que j'entends par concurrence, c'est si tu fais un jeu de western, évidemment, ton concurrent direct, à une époque, ça aurait été... Putain, j'ai du mal avec son nom, Red Dead Redemption. Mais si tu sors ton jeu de western un an après Red Dead Redemption, c'est plus tellement un concurrent, ça devient un référent, ça devient du coup un jeu duquel tu peux t'inspirer pour fignoler ton projet à toi. Mais tu n'es plus directement en concurrence avec Red Dead Redemption 2 au bout de un an. En revanche, il y a des jeux comme GTA V qui se vendent extrêmement bien, ou Minecraft, qui eux... continuent d'être des concurrents pendant des années, c'est des anomalies, en fait. Et là, j'inclus pas les jeux services qui, eux, du coup, c'est pas des anomalies, ils sont prévus pour être des concurrents jusqu'au bout. Le prix des jeux est quelque chose de difficile à calculer. On reste encore pas mal dans le flou parce que les budgets des jeux ne sont pas tout le temps dits, ou enfin, ça reste plus ou moins caché. Par rapport au cinéma, où sans problème, vous trouvez le budget marketing et de production, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, les 80 euros, je ne sais pas, ça serait bien si on... Je ne suis pas d'accord, hein, par contre, sur le budget. Enfin, tu sais, il y a des actionnaires et tout. Enfin, il y a des bilans qui sont publiés par rapport au budget qui ont été consacrés pour savoir si telle entreprise, elle est rentable et tout et tout. Non, les chiffres, tu peux les avoir facilement. Moi, je trouve que c'est assez difficile parce que même en lisant les bilans pour les actionnaires de Ubisoft, que tu peux trouver sur leur site, c'est Ubisoft, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, tu as de mémoire, on ne te communique pas le budget des jeux. Oui. Ah ouais, des jeux spécifiquement, tu veux dire. Ouais. Oui, c'est ouais, ça. Je sais pas, en effet, ouais. Parce qu'après, au niveau des entreprises, de manière générale, tu peux voir le budget qui a été consacré aux jeux vidéo, tu vois. Ça, tu peux le trouver, mais le budget spécifique, moins. Ouais. Et donc, si le joueur est pris pour une vache à lait, alors pour les indépendants, je ne pense pas, je pense qu'ils sont assez honnêtes et qu'un jeu soit vendu 20, 25 euros ou 30 euros, comme ça a été le cas, je crois, pour The Witness, qui était assez cool. Oui. Ça ne me paraît pas, moi... injuste ou de l'arnaque, ce sont quand même des petites équipes de développement qui ne reposent que sur cette vente de jeux, généralement, sur les jeux qu'ils viennent de produire. Pour les grosses entreprises, ça, je sais pas, j'ai encore le doute. Mais alors, sur le nombre de ventes des jeux, justement, j'ai un truc à ajouter. Avant, on avait Steam Spy qui permettait, uniquement pour Steam, hein, au passage, mais du coup, d'estimer assez, enfin, c'est le Steam Spy qui l'estimait pour vous, mais de façon assez précise, quelles étaient les ventes d'un jeu donné sur Steam. Steam Spy, aujourd'hui, c'est obsolète parce que Steam a trouvé le moyen de contrer l'algorithme du truc, et aujourd'hui, les chiffres que donne Steam Spy ne sont plus du tout fiables. Aujourd'hui, la méthode la plus fiable pour estimer les ventes d'un jeu sur Steam, c'est de regarder le nombre de commentaires qu'a le jeu et de multiplier ça par quelque chose comme 60. Et mais c'est vraiment, c'est au doigt mouillé, quoi. Et c'est le truc le plus fiable que l'on ait actuellement. donc voilà, et peut-être pour conclure, messieurs, ça fait très longtemps que nous sommes en train de parler. Le joueur est-il une vache à lait ? Alors, on a eu des avis assez divergents, on a soulevé plusieurs problèmes. Dans certains cas, oui, en sachant que vache à lait peut concerner aussi le produit en lui-même, la licence que l'on va traire jusqu'à plus soif, d'où la naissance et la continuité aujourd'hui du jeu service et des DLC. Et le joueur est-il une vache à lait ? Eh bien, nos avis ont divergé, mais sur les politiques à abonnement, ça a été oui, notamment pour moi. On essaye de traire le joueur en essayant de rendre la traite agréable, avec une petite musique, un peu de marketing et de communication, avec un abonnement qui n'est pas très agressif, mais quand on calcule sur l'année, c'est tout à fait autre chose. On a parlé un peu de ces NFT qui sont... on divergeait quelque peu, mais peut-être que dans le fond, on se retrouve. Mais après, dites-moi si je travestis vos propos on va traire le joueur jusqu'à plus soif pour avoir toujours son portefeuille et qu'il puisse aussi nous rapporter de l'argent sur la durée. On aurait pu joindre ça à l'économie de l'attention aussi, avec la rétention, etc. Mais bon, C'est un sujet très vaste maintenant, peut-être, chers auditeurs. C'est à vous aussi de vous faire votre avis après cette longue émission. Merci à vous, messieurs. Merci. Moi, j'ai un dernier truc à dire sur les investissements vite fait, mais j'ai l'impression qu'une des stratégies des entreprises pour justement essayer d'investir bien, c'est de ne pas investir sur leurs produits, mais d'investir sur des studios indés, en fait, en rachetant des studios indés pour sécuriser les investissements en mode voilà, ce studio il a l'air prometteur, on va investir sur lui au lieu de claquer notre budget sur l'amélioration de ce qu'on fait nous. Quoi. C'est peut-être une autre stratégie qui vient là, par exemple, récemment, qui a été mise en lumière avec les achats de Microsoft de pas mal de petits studios. Et de gros studios hein, aussi, hein, avec l'achat de l'histoire. Oui, et de gros studios avec Activision. Mais bon, le joueur est-il Val Chalet ? Donc ça, c'est notre sujet pour conclure. Donc ça viendra. Ah mais justement, c'est un investissement. C'est l'investissement des entreprises. Et on y viendra sûrement plus tard sur d'autres stratégies. Encore à vous. Merci à vous, messieurs, pour ce long débat. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et pour rappel, cette émission est aussi disponible sur PodCloud, Podcast Addict, Google Podcast et autres applications de podcast gratuites. Et sur YouTube aussi. On se retrouve avec un peu de chance le mois prochain pour un autre débat et sûrement dans ce mois aussi pour la prochaine vidéo de Causons Pixel. Encore merci à vous et surtout, votez. Non, c'est pas ça. Je vais mettre un petit bip. 75 000 euros d'amende hein, sur le podcast aujourd'hui. je vais mettre un petit bip, comme ça on ne saura pas. Merci à vous et surtout, restez critiques envers le pixel. A plus. Ciao. Ciao. Toutou.